Et le replay, c'est terminé pour aujourd'hui. Forcément, il reviendra demain à partir de 6h jusqu'à 6h30. Et là, on est parti en direct sur Fun Radio. 6h25, c'est mercredi aujourd'hui. Le 12 octobre avec Julie qui est en pleine forme. En méga forme. Ah, bah tant mieux. Toujours avec Claude qui a tué son patron là. C'était... Alors là, mais ça a fait un buzz, mais on en a parlé toute la journée. Ah non, mais c'était exceptionnel. De ce buzz incroyable. Et ça a tourné sur tous les sites internet. Tu m'étonnes. C'était dingue. Bah oui, on était les boss. Premiers sur le coup. Mais oui, c'est normal. On est toujours les premiers sur le coup. En même temps, on fait la première émission de la journée. Donc. Eh bien, oui. Eh bien, tant pis, on est quand même les premiers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça aide. Bon, toi, bois son café, la machine à café, donc il va arriver. Hein. Et ah, celui-là, il est toujours en retard. Mais toujours. Je le vois arriver, là, ça y est, avec son allure, sa dégaine. Il était à la machine à café. Oui. Enfin, à la SNCO, quoi. On n'a pas ça. Vraiment de machine à café. Évidemment. Bah voilà, ouais, c'est ça, en fait. Il faut bien que je me réveille. Hein, bah oui, mais c'est normal. Bon, 6h26 sur Fun Radio, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous n'avez pas trop perdu de temps hier soir à regarder le match des Diables. Hein oui. C'est un scandale d'ailleurs, nous allons appeler la RTBF tout à l'heure. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont supprimé Plus belle la vie pour mettre ce match pourri. Bah ouais, mais c'est qu'est-ce que tu veux. Bah ouais, ouais, ouais, c'est ouais, relou. Mais enfin, pas bon. Terrible. Hein. On l'appellera encore pour Dexios aujourd'hui ou. Mais bien évidemment. Mais bien entendu. Mais entre temps, nous faisons une petite pause RTBF. Bien sûr, très bien. Donc on fera ça tout à l'heure. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait appelé des particuliers pour leur dire que bon, bah la Belgique avait effectivement racheté Dexia, mais qu'il fallait trouver les 4 milliards. Et que du coup, bah, on avait fait un calcul relativement simple avec Toff, quasiment 11 millions divisé par 4 milliards. Enfin 4 milliards divisé par 11 millions, ça fait 370 euros. Ça fait 370 euros à la louche à payer par personne vivant en Belgique, peu importe son âge, hein, ça on s'en fout. Tout à fait. Voilà, donc voilà, on rappellera encore tout à l'heure, puisqu'il y avait plein de gens qui nous avaient laissé des numéros de téléphone de gens qui étaient chez Dexia ou de gens qui s'énervaient relativement rapidement. Eh bien, nous appellerons ces gens tout à l'heure avec grand plaisir. Si vous avez d'ailleurs encore des numéros, 3044 bien sûr, n'hésitez pas à faire tourner. Nous aurons la ligne anti-relou, ce sera d'ici un gros quart d'heure, comme chaque matin à 7h, 8h et 9h moins quart. Nous aurons bien évidemment bah, les petits appels pour faire chier le monde, en l'occurrence Dexia aujourd'hui, comme je vous l'avais dit. Et puis, bien sûr, les écrans plats à vous filer. Écrans plats, comme d'habitude, on en a trois à vous filer par matinée. Écrans plats ou pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes à gagner au 63-22 en débutant votre message par la réponse. Réponse, mais quelle réponse allez-vous me dire? La réponse à laquelle, à la question que je vais vous poser maintenant, la petite devinette qui colle. Alors, bon, c'est peut-être un peu perché, mais bon. En cherchant bien, on peut trouver facilement. C'est ce que fait la majorité des gens actuellement. C'est ce que font la majorité des gens actuellement, a priori. Quel est le futur du verbe « je baille » ? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un euro le message, certes, mais écran plat à gagner ou pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes à gagner. Quel est le futur du verbe « je baille » ? Allez chercher un tout petit peu plus loin que le bout de votre nez, mais pas trop loin non plus quand même. Hein. Non, voilà. Non, c'est pas trop... Voilà, mais vraiment pas trop loin. Non, mais c'est pas le genre de la maison, effectivement. Bon, bonne chance tout le monde, 63-22, et puis on paiera vos factures aussi tout à l'heure. Là aussi, j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ici quelques instants. 6h28 sur Fun Radio, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Avec dans un instant, Rihanna sur Fun Radio. Et l'info de Julie va arriver également d'ici quelques minutes sur Fun Radio, restez là. Mickaël à la radio, Fun. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, Mickaël à la radio, Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tomola. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio, ensemble, bande de cochons. 6h29 sur Fun Radio, tous les matins, nous sommes en direct avec vous toutes et vous tous. 6h30, 9h30, c'est Mickaël à la radio avec l'info de Julie qui arrive dans un instant. Et puis je vous rappelle la petite devinette qui colle maintenant. Alors attention, quel est le futur du verbe « je baille » ? C'est ce que font la majorité des gens la nuit, par exemple. Ouais. Voilà, ou pendant enfin, qu'ils font une sieste. Oui. Ça peut arriver aussi, voilà, en général, c'est... Voilà. C'est ce qu'on aimerait bien faire en ce moment même. Oui, c'est vrai. On peut d'ailleurs le faire à point fermé. Ah oui, surtout, je vous le conseille. C'est vrai. Ou sur ses deux oreilles. Ah oui, c'est voilà, ça. Voilà, sur les deux des indices comme ça. Voilà, 63-22 si vous avez la bonne réponse, bonne chance. Et à 6h30 tout pile, c'est l'info maintenant donc avec Julie et les mauvaises nouvelles du foot. Enfin bref, on en parlera dans un instant. Salut à tous, et bien effectivement, pas de miracle pour les Diables Rouges à Düsseldorf en Allemagne. Ils se sont inclinés 3-1 face aux Allemands. Ils n'iront donc pas en barrage de l'Euro 2012. Pourtant, ils avaient dominé le match les 30 premières minutes. Mais les Allemands ont vite repris la main, l'honneur est sauf, avec un but de Fellaini à la 85e minute. Après avoir présenté la réforme de l'État hier, Elio Di Rupo se remet déjà au boulot. Il faut maintenant s'attaquer aux socio-économiques et à la formation d'un gouvernement. Avec ou sans les écolos, pour Elio Di Rupo, il est trop tôt pour répondre à cette question. Le formateur va rencontrer chaque président de parti aujourd'hui et demain en tête-à-tête. Et puis Sabine de Béthune du CDNV est la nouvelle présidente du Sénat. La sénatrice en remplacement de Dani Peters, dont le parti, la NVA, ne participe plus aux négociations en vue de la formation de la prochaine coalition. Préavis de grève déposé dans toutes les prisons du pays aujourd'hui. Conditions dangereuses, pénurie de personnel, équipement vétuste, c'en est trop pour les syndicats. Un autre préavis est également possible le 22 octobre à minuit. Et l'électricité coûte plus cher. La fermeture de centrales nucléaires allemandes a fait augmenter les prix d'environ 8% en Belgique. Après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement allemand a décidé de fermer toutes ses centrales nucléaires. Et c'est ce que révèle donc la Commission pour la régulation de l'électricité et du gaz. On ne connaît pas encore l'impact sur les consommateurs, car ce prix dépend notamment des coûts de distribution, de transport et des taxes. Le prix total de la facture d'électricité pour le client résidentiel en Belgique dépend pour environ 40% du prix sur le marché de commerce en gros, ce prix qui a donc augmenté de 8%. Le motilium cause-t-il des arrêts cardiaques? En tout cas, c'est ce qu'affirme un pharmacologue ostendais dans le magazine Knack ce matin. Le médicament provoquerait chaque année en Belgique des centaines de décès liés à des arrêts cardiaques soudains. Intox, d'après Janssen's Pharmateca, la société à l'origine du médicament, qui indique qu'aucun décès n'a été lié au médicament motilium sur les 10 dernières années. Très bien, allez, bon, les bonnes nouvelles. On parlera du reste du foot aussi tout à l'heure en speed, bien évidemment. Pour les étrangers, on ne sait jamais, hein. 6h32 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Alors, est-ce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles ou des mauvaises? Bon, Pas mal de pluie encore sur le nord du pays. C'est couvert dans l'ensemble. Je croyais que t'allais me dire, oui, le soleil va dominer les 30 premières minutes de la journée. Et puis fuck, et puis il va se rendormir. Oui, bah, non, c'est ça. Mais attends, c'est pas fini. Donc températures atteindront quand même de 12 à 18 degrés. Donc, ça va, on est quand même pas mal de ce côté-là. Ouais. Demain. Enfin, 12 quand même. Hein. 18 c'est mieux, mais 12 c'est quand même très dur. Hein. Demain après-midi, retour du soleil. Ah, bah quand même. Ouais. Jusque quand dimanche. Même. Il y a un petit temps de cyclone qui va venir nous dire bonjour. Très bien, eh ben c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça de près, tiens. Dans un instant, c'est Rihanna qu'on va écouter sur Fun Radio avec Man Down. Fun Radio. Mais avant cela, bien sûr, à 6h33, c'est l'heure de faire péter l'info en plus. Alors, c'est une info qui est quand même assez dingue. C'est-à-dire? Tu connais Justine Hénin? Oui, bien sûr, oui. Justine Hénin qui est... Qui est prostituée. Ah non, pas pardon. Du tout. Non, c'était une autre. Qui joue au tennis. Tout à fait. Donc une sportive. Eh bien, elle va un petit peu se reconvertir. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle prépare une comédie. Ça va aller. Je sais pas, je demande, comme j'en avais parlé. Je me suis dit, putain, le hasard comme par hasard. Elle prépare une comédie musicale sur sa vie. Ah bah ça va être génial. Donc l'ancienne championne de tennis. Mieux fait de faire l'autre, hein, tu me diras. Prépare une comédie, elle racontera sa vie. Oh, et c'est la chorégraphe très connue, Joëlle Moran, donc chorégraphe belge, qui a poussé l'ancienne numéro 1 mondiale à préparer cette comédie musicale. Et donc, elle est donc en train de s'entraîner, Justine Hénin, donc, à chanter, à danser. Donc mélange de danse, de texte, de chansons, ainsi que des chorégraphies animées essentiellement par des enfants. Le show devrait durer environ une heure et pourrait être présenté devant 1500 à 2000 personnes par soir. Tu m'en veux pas si je cache ma joie là, hein. Ah bah écoute, c'est... Et alors elle devrait partir génial. En tournée, bah oui, en Wallonie. C'est quand même assez énorme. Ah bah dis donc, ah bah attends, évidemment. Je serai le premier sur le coup. C'est énorme. Donc je voilà, serai le premier sur le coup, vous inquiétez pas. Et dites-nous aussi, est-ce que vous allez voir Justine Hénin en comédie musicale, vous ou pas, hein, 30-44, hein. Vous avez déjà entendu Justine Hénin s'exprimer? Non, justement, c'est peut-être pour ça que ce sera encore une deuxième fois, pour aller voir son spectacle. Mais bon, est-ce que vous iriez justement 30-44, vous le dites, n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle la devinette qui colle. Quel est le futur du verbe je baille? On peut le faire sur ses deux oreilles, hein, comme... Bah voilà, tiens, dans son futur, elle, par contre, le problème de Julie, c'est que elle va faire j'ai ça pas dans... pas de futur, moi. Mon futur, il est dans... Dans longtemps, dans 18 Oula. Heures. Ouais, ouais. À peu près, quoi. Hein. Au moins, ouais. Voilà. Donc voilà, donc on peut le faire sur ses deux oreilles, on peut le faire à point fermé également. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, 1€ le message, écran plat à gagner comme chaque matin, une fois par heure. Et également les packs Nintendo Wii avec la console et les jeux et les manettes. Quel est le futur du verbe je baille? Bonne chance tout le monde. 6h35 sur Fun Radio, bon réveil également. C'est Rihanna qu'on va écouter. Écoutez maintenant avec Man Down. Rihanna sur Fun Radio avec Man Down. 6h39, bon réveil tout le monde. C'est bien, je rajeunis de jour en jour. Je suis très content. Tu rajeunis de jour en jour. Oui, je sais pas, ça fait quelques jours comme ça. La cure de jouvence. Non, pas du tout, j'ai comme de des petits. Souris. Non, mais j'en ai quelques-uns j'en ai rarement, sauf parfois un qui fait très mal, et là j'en ai quelques-uns des petits boutons d'acné. Tu dis, c'est normal, je suis jeune. Ah oui, c'est normal. Mais oui, c'est normal, c'est génial. Mais oui, voilà, c'est la puberté qui arrive et tout ça, donc pour ça, je rajeunis, je suis assez content. Ah bah écoute, tant mieux, c'est bien. Mais oui, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du haut, non, 12, n'abuse pas, c'est gentil de me rajeunir, mais tout de même, j'en ai 18. Je suis majeur, n'abuse pas quand même. Hein. Bon, alors on va parler de Rihanna justement, elle vient de passer, ça tombe bien. Mais oui. Et c'est vraiment le hasard. Hein. Elle a été élue. Oui. Femme. La plus riche du monde. La plus sexy du monde. Ah, oui, oui, oui. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensiez justement. Ouais, dis-moi. Alors, vous êtes plutôt d'accord avec. C'est donc le classement du magazine masculin Esquire. Moi c'est pas ma cam hein, Rihanna. Alors, enfin, elle est jolie hein, c'est pas ça, je dis pas qu'elle est moche, mais voilà, c'est pas mon délire. Alors en numéro 2, c'est aussi une autre chanteuse. Bon. Katy Perry. Ah, je le savais, j'allais le dire. C'est vrai, donc tu penses vraiment que c'est aussi une des femmes les plus sexy. C'est pas la plus belle hein, c'est la plus sexy hein. Je pense que c'est quand même différent, tu vois. Je préfère Katy Perry à Rihanna perso. Ah oui, d'accord. Physiquement hein, mais après il y a quand même Bah Rafaeli qui Ouais, après il y a Bah Rafaeli. Bah à la base je préfère elle est pas vraiment dans mon classement, donc c'est qu'elle doit être loin derrière. Mais à la base je préfère les blondes, donc forcément là, tu me parles de Rihanna, évidemment c'est tout à fait l'inverse hein, mais bon après. Ah oui, non, effectivement. Mais pourquoi pas hein. Et vous là, pour vous qui êtes derrière la radio, c'est quoi la femme la plus sexy du monde? Me dites pas la vôtre parce qu'on la connaît pas, mais dans les stars évidemment hein. Mais apparemment d'abord c'est les chanteuses hein. Après seulement viennent les actrices, Emma Stone, Rosie Huntington, Mila Kunis aussi. Ah ouais. Bah, y a quelques années Jennifer Aniston, aujourd'hui elle est un peu vieillie forcément, mais à l'époque de Friends elle était bien botoxée, donc elle se maintient encore. Ouais, non, elle se maintient, mais à l'époque de Friends elle était bien, tu vois, c'est naturel, elle avait l'air bien, tu vois. Dans ce classement, ce qui m'a quand même fait rire, c'est qu'il y a quand même une gardienne de l'équipe féminine américaine de football. Qui est dedans? Hope Solo, ouais. Ah ouais. Dedans. Bah écoute, je vais aller voir en quoi alors, ouais, j'allais dire, il faut aller voir un peu c'est à quoi elle ressemble. Yann ou pas? Mais Yann Solo. Ouais. Non. Mais il faut voir. Peut-être que c'est super sexy justement de voir une fille. Mais comme toi, t'es déjà en train de taper Hope Solo. Hein. Pour, Hope Solo, voilà. Ouais. Attends, on va regarder directement. Là, montre un peu à quoi ça ressemble là, cette affaire. Déjà, Google, elle la connaît bien. Ah ouais, oh mon dieu, les bras! Mais non, mais qu'est-ce que tu vas enfin? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah vas-y, agrandis là, on voit attends, rien! On voit rien du attends, tout, on dirait le Amélie Mauresmo! Ah, effectivement, elle est baraquée. Hein. Enfin, en tout cas, elle est blonde hein, pour Mickaël. Ouais, mais par contre, t'as pas envie de ramasser un coup d'aile. Hein. Non. Elle est gardienne d'équipe féminine américaine de football. Mais c'est ça, le jour où elle s'énerve, elle t'envoie de l'autre côté de la planète, t'as pas compris. Hein. Non, je suis désolé, si tu dois prendre des sportifs, il y a Kournikova qui est quand même vachement plus. Bon, à voir quoi. Mais ouais, bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Dites-nous pour vous là, c'est qui Eva Mendes, on propose, tiens, au 30-44. Ouais, elle est pas mal non plus, elle est très très jolie. Oh, Greg qui dit la plus sexy du monde, c'est Julie de Fun Radio. Évidemment. Et on salue également la Libraille qui nous écoute ce matin. Bon, on en reparlera tout à l'heure évidemment de tout ça. La ligne anti-relou, ça va arriver dans un instant. Et je rappelle aussi la petite devinette qui colle. Devinette qui colle, c'est pour repartir avec un écran plat. Comme chaque matin, on en met un par heure en jeu depuis le début de l'émission. Hein. Un écran plat ou le pack Nintendo Wii. Quel est le futur du verbe je baille? La bonne réponse au 6322. Et comme je le disais, on peut le faire sur ses deux oreilles ou par exemple le faire à point fermé. Voilà, vous nous dites. Et puis on revient dans un petit instant sur Fun Radio. Restez bien là. On va s'écouter aussi le son de Jim Classy Rose avec Stereo Hearts. Et pas Stereo Hirt comme disait Jasmine Yermi. Au cas où elle m'entend, je te fais des bisous. Mickaël à la radio. Reviens juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bienvenue tout le monde, 6h46, qu'est-ce qui se passe-t-il sur les routes, Julie? Soyez prudents, on nous signale un camion en panne sur la N98 à hauteur de Fosse-la-Ville en direction de Mété. C'est la bande de droite qui est obstruée et la police est déjà sur place. Très bien, quelle rapidité la police quand même. Ouais. Magnifique. Dans un instant, on appellera les gens pour aller faire chier à propos de Dexia. On remboursera également vos factures, comme d'habitude. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, allez-y, 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis comme chaque matin, c'est la ligne anti-relou à 7h, 8h et 9h moins 4. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Voilà la ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio. Les meilleurs messages laissés par les meilleurs relous de Belgique. Je ne sais pas si on doit être fiers, mais ils sont chez nous. Ah oui, ils sont que chez nous d'ailleurs. Et que chez nous, les relous de Belgique, bien évidemment. Bah, la France a ses ch'tis, on a nos relous. Oui, on a nos relous, effectivement, oui, tout à fait. D'ailleurs, qu'ils gardent leurs ch'tis. Hein. Oui, oui, on gardera nos rouleaux. Non, je dis ça par rapport au ch'ti à Ibiza, pas par rapport au vrai ch'ti. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Bon, alors attention, la ligne anti-relou, le concept facile. On vous donne un numéro de téléphone, on vous le met à disposition. Le 0473 86 0013. Le but, simple, le donner dès que vous croisez un relou qui vous prend la tête. À la place de lui donner votre propre numéro, eh bien, vous lui donnez le nôtre. De 1, vous serez tranquille. Et de 2, nous, on va se marrer à écouter leur message complètement débile. On écoute le premier ? Allez. Allons-y. J'y vais, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui. T'as envie de passer des trucs cochons, quoi. Mmh. Ouais, rappelle-moi, c'est moi, André, ton chéri. Mmh. Oh, oui. Oh là là. Vous croyez qu'il s'astique la nuit? Je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est une chose est sûre. C'est ce genre de message laissé sur un répondeur, je pense que ça peut exciter Julie. Ah non, alors là. Quelqu'un qui est là. Non, oui, Julie. Quelle horreur. Ah, faut être attaqué quand même. Ah non, faut vraiment être bien, bien attaqué, ouais, ah bah, c'est sûr. Ah bah ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Ah nom de Dieu, oui, j'aime bien ça. Ah nom de Dieu. Ça le contraire nous aura étonné. Tiens, deuxième message laissé sur la ligne en Tirolo. Pardon madame, c'était une erreur. Ah d'accord. Oui bah pardon, alors écoute, y a pas de problème. Hein. Et troisième message. Salut, tu m'as donné rendez-vous à la gare ce midi. Et je sais pas, ça fait 3 heures que je t'attends, 3 heures de désespoir parce que je ne te vois pas. Écoute, là je suis vraiment désespérée. J'espère que c'est juste que t'avais oublié, j'espère que tu ne m'as pas fait faux bond. Voilà, non, je t'aime très très fort. Non. Voilà, ne me prends pas pour une grosse handicapée, mais bon, tu sais, quand les sentiments sont là. C'est dur de les cacher, donc bien voilà. Sûr. Je t'aime énormément. Bisous. Oh là là. Oh là là, mais la connerie aussi. Ça, c'est possible. Tu sais, quand les sentiments sont là, les sentiments sont là. Là. Eh oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez. Bon, 6h49 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Annie Antirelou, ça revient tout à l'heure. On aura aussi un petit Mickaël réveille la Belgique dans moins d'une heure. Et ce sera en direct de... Bastogne. Il s'est arrêté à Bastogne. Non, 2.9. C'était trop loin, Arlon. Non, mais je crois qu'il y a un auditeur qui attendait là-bas ou un petit déjeuner. Donc, du coup, il s'est arrêté à Bastogne. Il y en a qui ont de la chance. Donc, voilà, ce sera. Bah, je demande des infos, tiens, à Sébastien Lop pour savoir à quel endroit à Bastogne il sera pour un petit Mickaël réveille la Belgique. Si vous voulez aller le rejoindre. S'il est à Bastogne, il faut qu'il aille sur le char. Écoute, je sais pas, on va voir avec lui là. Je verrai. Je vous rappelle également la petite devinette qui colle là pour repartir avec les écrans plats. Quel est le futur du verbe je baille? Ne cherchez pas trop loin non plus, hein. Je baille. N'étant pas la bonne réponse. Enfin, si, mais pas la réponse qu'on cherche. C'est trop facile. Bah, c'est ça. Donc, on peut le faire à point fermé ou sur ses deux oreilles, comme ça, l'indice est donné. Et on écoute Jim Classy Rose maintenant avec Adam Levine. C'est Stereo Heart. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Le son de Jim Classy Rose à l'instant sur Fun Radio, c'était Stereo Heart avec Adam Levine, c'est le chanteur des Maroon 5. Pour ceux qui se disaient, tiens, c'est marrant, cette voix me dit quelque chose. Oui, c'est normal, hein, c'est logique. Bon, je vous rappelle une dernière fois la petite devinette qui colle avant de faire les appels là. Quel est le futur du verbe je baille? Écran plat à gagner ou pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes? Quel est le futur du verbe je baille? Ce n'est pas je baillerai, hein, voilà, donc comme ça vous savez. Et donc, un petit indice, hein, on peut le faire à point fermé ou on peut le faire sur ses deux oreilles par exemple. En général on le fait la nuit ou on peut le faire pendant une petite sieste. Voilà, comme ça vous êtes tenu au jus. Bon, ce matin on continue à appeler pour trouver l'argent de Dexia, hein, parce que bon, il y a 4 milliards à trouver, ça se fait pas tout seul quoi. C'est ça, bah on avait essayé hier de commencer à collecter les 370 euros par belge, hein, que c'est ce que représente leur achat de Dexia. Hein. Exactement, et bon bah ça a été un peu compliqué quoi. Hein. Oh non, c'était pas compliqué, mais bon, voilà, le calcul était simple, hein, 4 milliards, on est 10 839 905 belges recensés. Bravo, Toff. Ouais, merci. Ah non, c'était pas Wikipédia, c'est merci belgique.be. Ah d'accord. et donc, ça nous fait donc 370 euros par personne, enfants compris, puisque c'est le recensement global. Très bien. Bon, et là, on appelle un numéro que vous nous avez envoyé. Alors, vous avez été nombreux à nous envoyer les numéros, mais il y en a plein qui disaient, ouais, non, mais c'est bon, je sais, parce que Toff, il s'est renseigné un peu avant. Ouais, non, mais je savais qu'on allait m'appeler. Donc, du coup, bah, forcément, aucun intérêt, quoi. C'est ça. Bah, ouais. Parce que moi, je teste le chaland mieux avant. Il vaut mieux. Donc, là, du coup, on appelle. On appelle Xavier, qu'il faut appeler avant 7h45. Donc, là, on est bon. D'accord, hein, ok. Et bon, il fallait prévenir sa copine avant, mais j'ai pas gardé le numéro de la copine. Donc ah, pas dommage. Faire. Voilà. Et là, on dit, la réaction devrait être terrible. Voilà. Voilà. Bon, ben, on va essayer, on verra bien. Allez, c'est parti. On appelle Xavier maintenant avec une réaction terrible. Terrible. Terrible, on apparemment. Verra s'il est terrible. Voilà, donc quand on va lui demander 370 euros par tête de pipe à la maison, on va voir hein, comment ça va se passer. Allez. Bon, déjà, allô ? Oui, bonjour monsieur. Vous m'entendez ? Oui, bonjour monsieur. Voilà, écoutez, je vous appelle au sujet du rachat de Dexia. Oui. Oui, vous êtes au courant, vous avez entendu ? Oui. Oui, voilà. Bah, écoutez, donc je vous appelle. Donc, hein, je travaille au ministère des Finances pour vous annoncer donc que, bien évidemment, vous allez participer à cet effort hein, que tous les Belges vont devoir faire pour trouver les 4 milliards nécessaires au rachat de Dexia. Et donc, vous allez devoir payer 370 euros, monsieur. C'est une blague ? Non, monsieur. Ah non, monsieur, il faut bien trouver 4 milliards. Et le seul endroit où on pouvait trouver 4 milliards, c'est bien dans le portefeuille des contribuables, monsieur. Oui, rappelez plus tard. Ah, pas du tout, monsieur, pas du tout. Donc, en fait, je voulais savoir comment vous comptiez régler les 370 euros. Je ne compterai à régler du tout. Ah, monsieur, vous n'avez pas le choix, hein, malheureusement. Hein, sinon, ce sera saisi, hein. Ben, ce sera saisi. Ah, vous le prenez comme ça, monsieur. Écoutez, comment voulez-vous que je le prenne ? C'est une banque qui fait faillite, moi, j'ai rien à voir dedans. Je vois pas pourquoi je dois payer. Donc, ah, parce que c'est l'État qui rachète, monsieur, c'est pour ça que c'est votre... Voilà, c'est un petit peu votre argent qui va servir à payer tout ça, hein. De toute façon, j'en ai assez de l'argent. Hein. Ah bon, bah ça va, alors on peut vous prendre peut-être deux fois 370 euros. Oui, 10 fois aussi. Ah, 10 fois. Eh bien, écoutez, très bien, monsieur. Donc, je note que vous êtes prêt à payer 10 fois 370 euros. Ah, oui, c'est pas un problème. Eh bien, écoutez... Prenez tout aussi. Si vous savez quoi, prenez ma maison, la voiture. Ah, vous ma femme aussi avec. Ah, ça dépend combien elle mesure. Ah ben, vous vous démerdez avec. Ah, très bien. Mais passez-moi votre femme, alors. Elle n'est pas là. Ah, c'est dommage. Bah écoutez, quand est-ce que je peux vous rappeler pour récupérer votre femme? Ne me rappelez pas. Ah bah attendez, si vous venez de me proposer votre femme, monsieur. La prochaine fois, sonnez-moi plus tard. Parce que moi, je travaille et j'aime bien dormir un peu aussi. Bien sûr, monsieur. Donc, je vous rappelle tout à l'heure pour parler à votre femme. Oui, c'est ça. Ah mais bah, il avait l'air en pleine forme. Hein. Ah, oui, de toute façon, moi je suis blindé donc j'ai c'est ça, de toute façon j'en ai appelé de l'argent. Et là, ouais, la chance ça, hein, mais qui nous en donne aussi un petit bah, peu. Bah oui, mais bien sûr, ouais. Bon bah on essaiera d'en appeler d'autres. Moi je veux parler à sa femme. Oui, bon, on essaiera d'appeler à sa femme. Qui m'a chauffé, qui m'a excité. C'est vrai que maintenant il te l'a donné hein. Bah ouais, en plus en plus c'est elle qui nous a donné le numéro de téléphone pour qu'on l'appelle. Donc au final, c'est qu'elle a un peu rien à foutre de lui, donc il y a peut-être quelque chose à faire, taf. Oui, moi je dis ça après. J'espère qu'elle sera un peu bonne surtout. C'est ça. Bon, on l'appellera les RTBF. C'est plus à ça maintenant. Bah ouais. On appellera la RTBF aussi tout à l'heure pour gueuler parce qu'ils nous ont du coup mis un match de merde à la place de Plus belle la vie hein, sur la 2. Tu te rends pas compte le scandale que ça a fait chez moi ? Mais ouais, bah je me doute attends, bien. Ma mère était là, elle met, il y a un match de foot pourri, mais attends, ça a été limite j'ai failli vivre une rupture à la maison. C'était quand même bien les 30 premières minutes. Hein. Pour ma mère, même non, pas pour ta mère, peut-être pas, mais voilà, sinon, ouais. Bon, on revient dans un instant avec la réponse à la devinette qui colle. On va vous rembourser vos factures aussi. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle dans 10 minutes. Et puis, pour signaler aussi que Sébastien Loeb sera à Bastogne, avenue de la gare, dans 20-25 minutes pour faire un petit Mickaël réveille la Belgique. Donc, si vous voyez un débile avec une espèce de grand mégaphone en train de hurler dans toute l'avenue de la gare à Bastogne, c'est Sébastien Loeb. Donc, il vous reste 25 minutes si vous voulez aller le rejoindre. N'hésitez pas, donc, avenue de la gare à Bastogne. Et dans un instant sur Fun Radio, Maroon 5. Maroon 5 avec Christina Aguilera et Moves Like Jagger sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Soprano. Vous écoutez Mickaël à la radio. Justement, Mickaël, vu que tu fais le séducteur là au micro, c'est bizarre que tu es entouré que d'hommes dans ton équipe là. C'est un peu bizarre, hein. Ah, merci pour moi. Ça fera plaisir à Julie. Soprano n'était pas au courant de ma présence. Ou alors il te prend pour un mec. Ça, il c'est a possible. Compris que c'était un homme dans un corps de femme. C'est ça, ouais. Bon, allez, 7h, c'est les infos dans 10 secondes. Allez, 7h du matin sur Fun Radio, l'info maintenant, c'est avec Julie. Salut à tous, pas de... Bonjour, mais c'est Marchim, ça. Ouais, ça va être à mon avis tout l'hiver comme ça, quand ah bah, ça va être très difficile. Hein. Bah, oui. Bah, je suis pas l'abri d'entendre le soir, moi. Salut à tous, pas de miracle pour les Diables Rouges à Düsseldorf en Allemagne. Ils se sont inclinés 3-1 face aux Allemands. Ils n'iront pas en barrage de l'Euro 2012. Pourtant, ils avaient dominé le match les 30 premières minutes, mais les Allemands ont vite repris la main. L'honneur est sauvé avec un but de Fellaini à la 85e minute. Après avoir présenté la réforme de l'État hier, Elio Di Rupo se remet déjà au boulot. Il faut maintenant s'attaquer s'attaquer aux socio-économiques et à la formation d'un gouvernement. Avec ou sans les écolos, pour Élodie Roupeau, il est trop tôt pour répondre à cette question. Le formateur va rencontrer chaque président de parti aujourd'hui et demain en tête à tête. Et puis Sabine de Béthune du CDNV est la nouvelle présidente du Sénat. La sénatrice en remplacement de Dani Peters, dont le parti, la NVA, ne participe plus aux négociations en vue de la formation de la prochaine coalition. Préavis de grève déposé dans toutes les prisons du pays. Conditions dangereuses, pénurie de personnel, équipement vétuste, c'en est trop pour les syndicats. Un autre préavis de grève est également possible le 22 octobre. L'électricité coûte plus cher. La fermeture des centrales nucléaires allemandes a fait augmenter les prix sur le marché d'environ 8% en Belgique. Après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement allemand a donc décidé de fermer ses centrales nucléaires. On ne connaît pas encore l'impact sur les consommateurs car ce prix dépend notamment des coûts de distribution, de transport et des taxes. Le prix total de la facture d'électricité pour le client en Belgique dépend pour environ 40% du prix sur le marché et ce prix qui a donc augmenté d'environ 8%. Le Motilium cause-t-il des arrêts cardiaques? En tout cas, c'est ce qu'affirme un pharmacologue ostendais dans le magazine Knack aujourd'hui. Le médicament provoquerait chaque année en Belgique des centaines de décès liés à des arrêts cardiaques soudains. Intox, d'après Janssen's Pharmaceutica, la société à l'origine du médicament, qui indique qu'aucun décès n'a été lié au médicament Motilium sur les 10 dernières années. À l'étranger, Israël et le Hamas ont conclu un accord pour la libération. Pour la libération du soldat israélien Gilad Shalit en échange des prisonniers palestiniens. L'accord conclu sous médiation égyptienne entrera en application d'ici une semaine. Et Gilad avait été enlevé en juin 2006 par un commando de trois groupes armés palestiniens. Très bien. Et donc effectivement, là, la voix part en sucette. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est l'hiver qui approche là. Ah oui, ça, c'est clair. 7h02 sur Fun Radio. Bon réveil. Dans un instant, on écoutera le son Maroon 5 avec Christina Aguilera. Et Moves Like Jagger. Et on passe à la météo. Pas mal de pluie encore sur le pays aujourd'hui, surtout sur le nord. Couvert dans l'ensemble, les températures atteindront de 12 à 18 degrés. Bon, allez, c'est la bonne nouvelle de la journée. Déjà, mais la vraie bonne nouvelle de la journée, c'est que demain après-midi, c'est le retour du soleil. Un anticyclone qui va rester sur le pays jusque dimanche. Ça fait plaisir. 7h03 sur Fun Radio. Bonne matinée. L'info en plus, elle arrive dans 30 secondes. Sans oublier aussi les factures. On va vous les rembourser dans 5 minutes. Hein. Si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, 63,22 par SMS. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, 39€ pour une lampe extérieure, 90€ pour Mobistar, 89€ pour la taxe régionale, 107€ pour je sais pas quoi, mais 107€. Bas de contention pour chirurgien, 49€ pour les autres, 63,22. Code facture, bonne chance. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h04, quelle est l'info en plus? Alors, c'est déjà arrivé à tout le monde d'aller voir un film et d'être un petit peu déçu. Ah oui, ça a déjà arrivé plein de fois, oui. Tu vas voir une bande-annonce, ça te donne envie, tu vas voir le film et en fait... En fait, pourri. À la limite, la bande-annonce et le film n'ont rien à voir, ou alors dans la bande-annonce, il y avait tout ce qui était bon dans le film. Donc, ça, c'est possible aussi. Eh bien, une spectatrice américaine a décidé de porter plainte contre le distributeur du film Drive. Pour qu'est-ce elle... Qu'est-ce qu'ils sont cons, quand même. Eh bien, elle s'estime trompée par la bande-annonce du film. Le film qui est réalisé par Nicholas Winding. Et donc elle a vu la bande-annonce, elle a été voir le film et pour elle, eh bien, ils auraient assuré la promotion du film donc Drive de manière similaire à Fast and Furious, alors que En fait, c'est la petite maison dans la prairie. Alors que voilà, alors que Drive, c'est les courses de chevaux, n'avait que très peu de similitudes avec un film de poursuite ou de course. Donc elle pensait aller voir un film de poursuite et en fait rien à voir. Et donc ouais, elle s'est sentie vraiment trompée et donc elle porte plainte contre le distributeur de ce film Drive. Le pire, c'est qu'elle risque de gagner, c'est ça le truc. Attends, moi, je vais y aller aussi, je vais aller porter plainte pour Paranormal Activity. Hein. Ah ouais? Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils te vendent un film, tu sais, où, oh mon dieu, le film le plus angoissant, machin, ils t'avaient présenté des ouais, vues, genre dans la salle, ouais, où les mecs, ils étaient au bord de la mort, je suis allé voir le film, c'était un scandale. Ah ouais? Ah bah voilà. C'était le pire film d'horreur que j'ai jamais vu, quoi. Bon, c'est un petit peu tard pour porter plainte. Ça m'a fait plus peur. En tout cas, ouais, elle, c'est en Amérique, elle veut être remboursée de sa place de cinéma, donc ça va encore. Non, ça va, c'est juste ça. Oui, bon, alors, c'est dommage, c'est intérêt. Bah non, d'accord. 7h05 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Les Maroon 5 vont les écouter maintenant avec Christina Aguilera et Moves Like Jagger. Et puis on va donner la réponse aussi à la devinette qui colle. Bon, on peut le faire maintenant. Tiens, qui est là pour la devinette qui colle? Bonjour. Nous avons Elena qui est là. Comment? Qui appelle de Jean Blou. D'accord. Salut Elena de Jean Blou, comment vas-tu? Salut, ça va? Passe une bonne matinée. En forme? Pardon? Je dis, tu passes une bonne matinée. Comment? Je dis, tu passes une. Bon, c'est pas grave. 89.2 pour écouter Fun Radio à Jean Blou. Sois la bienvenue. Tu as la réponse à la devinette qui colle. La devinette qui colle, je vais la répéter, pardon. Alors écoute bien, quel est le futur du verbe je baille? Je dors. Mais c'est ça en fait. Hein. J'avais dit pas chercher trop loin non plus. Hein. Eh ben bravo à toi. Bravo à toi. Tu vas donc repartir avec les cadeaux, écran plat ou la console Nintendo Wii avec les jeux et les manettes qui vont avec. Tu choisis ça au standard. Hein, y a pas de problème. Je te fais des gros bisous en tout cas. Merci, à bientôt, Jean-Claude. Salut, salut. Ciao. Et je rappelle que Sébastien Loeb sera. Salut, salut. Sera à Bastogne dans quelques instants, avenue de la gare pour un petit Mickaël réveil la Belgique. Donc si vous voulez le rejoindre et pour foutre un peu le bordel aussi, avenue de la gare à Bastogne, allez-y, il vous attend. 7h06. Dans un instant, on vous rembourse les factures. Je vous l'avais promis, ce sera à 7h10. Et en attendant, c'est Maroon 5 qu'on écoute maintenant avec Christina Aguilera. Moves Like Jagger sur Fun Radio. Bonne matinée. Maroon 5 sur Fun Radio. Moves Like Jagger. 7h10, les factures. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, tous les matins sur Fun Radio, on vous rembourse cash vos factures. Car oui, nous n'avons pas peur, on en a rien à foutre. De toute façon, c'est pas notre pognon. Donc on y va, on vous appelle et on appelle celui ou celle qui s'est inscrite au 6322 avec le code facture en mettant le montant de la facture comme là, 39€ pour une lampe extérieure, 190€ pour la taxe voiture. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre également qui est arrivé? 59€ pour l'antivirus de l'ordinateur, 69€ pour un fer à repasser à centrale vapeur, 115€ pour l'abonnement Mobistar, 143€ pour avoir été chez Ikea. Très bien. Bon, ben on va appeler Toff et on va rembourser combien dans un instant là? Alors on rembourse 64,33€. 64,33€. Très bien. Bon, ben on appelle cette personne. Si il ou elle décroche et répond à la question que je lui pose, eh ben c'est gagné. Question relativement simple, bien sûr. Allez, allez, allez, allez, allez. Hier, on a fait un 2 sur 3. On y croit. Bah ouais, on y croit. Hein? Allô? Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui paye vos factures le matin? Fun Radio. Mais oui. Fun Radio. Voilà une c'est facture, non. Une bonne facture qui va partir. Tiens, on est dans quelle ville actuellement là? Pardon? On est dans quelle ville actuellement? À Trasny. Bon, ah oui. C'est la fête. Oui, c'est la fête. C'est la région de Charleroi. De Charleroi, 103,5. On va payer une facture, ça fait plaisir. Alors, 70€, combien c'était off, tu m'as dit? 64,33€. Alors, c'est pour payer quoi, 64€? Disons que j'ai payé des appuis, parce que bon, c'est difficile à marcher. D'accord. Pour monter les deux escaliers. D'accord. Donc, 64€, c'est pour payer ça. Bon, un tambour, des appuis. Les vis. D'accord, enfin, on va payer tout ça pour pouvoir marcher, quoi. Mais il n'y a pas de problème, après nous on paye pour tout et il n'y a pas de problème. Hein. Ah bah, en tout cas, bravo à toi et puis tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées et t'expliquer comment faire pour qu'on te rembourse la facture, d'accord? Ça va bien, merci. Salut, salut, à bientôt. Merci. Ciao. Bonne radio. À bientôt. Et la question c'est à quand nous aurons quelqu'un, oui, pour rembourser mon rail de coke. Enfin, ça va ou quoi? Tu as une facture? Non, mais ça va arriver. Hein. Bah, enfin, non. Mais bien sûr que ça va arriver. Jamais. Mais bien sûr, rembourser mon shit, tout ça. Ils doivent noter l'objet de la facture. Jamais. Jamais le. Non. Bon, c'est le hasard comme par hasard si après ils ont une preuve de paiement. Tu imagines le mec, il y a des mecs qui vont te taire, ils vont te faire un refus. Je peux avoir une facture s'il vous plaît. Vous pouvez te mettre une facture. Bon, on remet le couvert tout à l'heure, on rembourse vos factures à nouveau à 8h10 si vous voulez qu'on fasse la même chose qu'à l'instant. 63-22 si vous voulez que ça tombe sur vous, sachez que c'est tout à fait possible. 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, nouvelle question qui colle, enfin devinette qui colle, et à 7h13. Avant d'accueillir notre ami Doudou, qui n'est pas encore réveillé, mais il a encore le temps des Black Eyed Peas pour le faire. On va aller le secouer. Ouais, un bon coup, tiens, comme un prunier. Les Black Eyed Peas maintenant, Don't Funk, with my name. Allez, bonne matinée. C'est dur ce matin. Ah, grave. Les Black Eyed Peas à l'instant sur Fun Radio, Don't Funk With My Heart. Tous les matins, nous sommes en direct avec vous toutes et vous tous. Il est 7h17 hein, ce matin. On va s'écouter les MFAO dans un instant avec Sexy and I Know It. C'est vrai. Non, t'en parles pas, on ne parle pas de toi, Mickaël. Ah, je pensais qu'ils avaient fait un disque pour moi. Ah, mais, je suis vraiment déçu, tiens. C'est vraiment étonnant. Ah, ouais, c'est bizarre. On parlera de Secret Story aussi dans un instant. Et puis, petite devinette qui colle. Alors, attention, spécial. Pas spécial, rien du tout. Petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ou avec le pack Nintendo Wii, console, manette et jeu. Si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? Si vous avez la bonne réponse, 63,22 par SMS, 1€ le message. Il y a donc un écran plat à gagner ou alors le pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? La bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde. Allez, c'est parti maintenant avec l'horoscope de Doudou. Fun Radio. L'horoscope. Eh oui, l'horoscope de Doudou, c'est comme chaque matin sur Fun Radio. Bon Doudou, comment ça va? Vous avez regardé le match hier au fait? Le match de foot? Ah oui, Allemagne-Belgique. À 19h, c'était trop tard pour lui. Oh là là, mais vous rigolez ou quoi? J'ai pas que ça à faire de regarder le massacre des Diables Rouges, hein, moi. Ah bon, et qu'est-ce que vous aviez de si important à faire hier soir? Ah bah, pendant que les Diables, ils couraient derrière la balle, moi, je courais derrière le boule de Marie-Agnès. Hein. Ah oui, je comprends, oui. Bon, il y a des priorités, okay, effectivement, dans la vie, je comprends. Ah bah oui, attendez. Bon, allez, les béliers, Doudou. Ne soyez pas arrogants et réfléchissez qui vous prend au sérieux. Les taureaux. Même si elles vous paraissent non productives, faites des pauses. Les gémeaux. Vous êtes gai comme un pinson et cette phase va durer encore un peu, alors profitez-en. Très bien, les cancers, comme Julie. Alors, ouais. Qu'est-ce que tu m'as réservé, Doudou? Oh là là là là, le stress au travail pourrait vous surpasser. Pourtant, elle n'est pas stressée, elle n'a même pas de travail. Mais quoi, c'est une mauvaise journée encore. Je suis désolé. T'inquiète pas, hein, vers le 30 juin, ça ira mieux. Normalement. Bon, les lions. Les lions, aujourd'hui, vous allez profiter de votre effet positif sur le sexe opposé. Les vierges. Vous êtes actuellement sujet au rhume, alors prenez de la vitamine C, ça vous fera du bien. Les balances. C'est avec patience et goût du risque que vous déjouerez habilement la concurrence. Les scorpions. Ça ne sert à rien de se surmener. Veillez à boire et à dormir suffisamment. Les sagittaires. Vous croyez que le monde s'est lié contre vous? Vous n'avez pas tort. Les capricornes. Aujourd'hui, vous êtes imbattables et une bonne idée peut vous faire aller de l'avant. Les verseaux. Il faut faire des efforts pour avoir du succès. Avez-vous cru que tout allait de soi comme ça? Pas du tout. Soyez beaucoup plus ambitieux. Et enfin, les poissons. Après tous ces efforts, vous recevez enfin ce que vous avez mérité. Très bien, merci Doudou. On vous retrouve dans la gueule. Non, merci Doudou. Merci Doudou. Bon, on vous retrouve dans une heure. Bah d'accord, pas de problème. Très bien. Là, je viens. Bah j'imagine bien. Dans un instant, on va parler de nos amis, de débilité profonde de Secret Story. Mm-hmm. Encore? Eh oui, encore. On va en parler encore dans un instant. Mais il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et on va s'écouter MFAO maintenant, son dédicacé à moi-même, Sexy and I Know It. C'est Julie qui m'a dit hors antenne. On n'ose pas le dire maintenant parce qu'elle est un peu timide. Mais je ne commenterai plus. Mais hors antenne, vous avez faut voir hors antenne. Hein. Je la repousse, c'est un truc de fou, c'est pénible. LMFAO sur Fun Radio, Sexy and I Know It, 7h23. On va vous rappeler maintenant la petite devinette qui colle de ce matin. Petite devinette qui colle pour repartir encore une fois avec des écrans plats. On vous enfile un par heure sur Fun Radio tous les matins entre 6h et 9h30. Et la petite devinette qui colle, c'est celle-ci. Si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? On proposait acheter 4 pommes. Non, on en a que 3. On va pas en acheter 3, on va pas en acheter une quatrième. Alors attention, on proposait également 21 morceaux. Non, garder un morceau de chaque. Non plus. On coupe les 3 pommes en 7. Non plus. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Salut les fous, ça va? Ouais, plutôt bien, oui. Je pense qu'il faut manger un bout de pomme et c'est arrangé. Une tarte aux pommes, non, c'est Laurent. Mais cela dit, on s'approche plus de la tarte aux pommes. Hein. Mais il n'y a pas de tarte autour, quoi. Oui, enfin bon. Oui. Bah quoi, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est. Mais dis donc, donne un bon indice alors au lieu de faire. Oui, c'est ça, t'as raison. Tu veux absolument être sûr que c'est ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu fais pas exactement ce que nous on recherche comme réponse quand tu fais une tarte aux pommes. Bon, ça dépend vrai. Quel genre de tarte tu fais. Alors, donnez un indice, madame la journaliste. Mais non, parce dans que un chausson aux pommes, par contre. Ah, dans un voilà. chausson, ouais, voilà. Dans un chausson, ouais. Voilà, bon, si vous êtes pas l'un de la radio, j'en veux bien. Je me doute. Si j'ai 3 pommes. Si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? La bonne réponse au 63-22, 1€ le message avec un écran plat gagné ou alors le pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Bonne chance tout le monde. Bon, allez, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, mais comme la fin approche, on va se faire un petit point, bien évidemment. Secret Story. Excellent. Eh oui, car vendredi, c'est la grande finale. Ça y est, on va enfin en débarrasser. Entre Aurélie, Marie, Geoffrey et Géco. Et c'est Marie qui est favorite. Hein. Alors dites-nous pour qui vous allez voter, par exemple. Hein. Enfin, oui. Votez pas, ça sert à rien. Mais enfin, pour qui vous voteriez, par exemple. Voilà. Donc, alors on sent que c'est vraiment la fin de l'émission. Hein, parce que les candidats sont vraiment. Au bout du rouleau. Ils sont à bout. Là. La preuve, quand Géco apprend que IM, la peste, revient. Bien qu'elle arrive. Pas! Elle va remettre. Pra! Je sais pas comment elle va arriver. Est-ce qu'elle va arriver en éliminateur en mode. Dra! Dra! Missile de partout et tue tout le monde? Ou est-ce qu'elle va arriver en mode. Oh mon jeune frère! Dra! Voilà, on dirait okay. La baie. Il est vraiment temps que ça se finisse, hein, parce que sinon ils vont tous finir cinglés. Ah mais complètement, et encore c'est pas le pire. Hein. J'ai pas 160 de QI là, j'ai 400 000 de QI là, j'ai tous mes neurones qui sont connectés, j'ai la peau, faudrait essayer de me tirer dessus pour voir si les balles rebondissent sur mon corps, mais là c'est... Alors, il est taré, ouais. Ce mec. Alors, si quelqu'un a un rapport entre le QI, la peau tendue et les balles, venez m'expliquer, j'ai non, pas compris. Tu peux pas comprendre, tu consommes pas cette stupéfiant, ah, tu ça peux pas comprendre. Ça. Bon, on va revenir sur IEM là, parce que quand je vous dis que c'est la peste, je suis relativement gentil. Pour ceux qui auraient raté ça, donc IEM est revenu dans la maison et tout de suite, elle a voulu mettre à l'aise le couple Marie et Geoffrey, justement. IEM, heureusement qu'elle est là. On va être mal à l'aise pour rien. Ah, donc ça veut dire que ce qui s'est passé entre nous, c'est rien? Non. Donc t'assumes pas ta relation avec moi, en fait? Quelle relation? Quelle relation? Comment ça, quelle relation? Mais attendez, mais vous avez de la... Excusez-moi, vous avez de la merde devant les yeux ou quoi? Il peut pas le nier, c'est pas possible. S'il le nie, c'est que c'est un menteur. La meuf, elle est pas chiante du tout. Hein. Non, tu sais, en plus, c'est la meuf bien rageuse, c'est qui vient juste pour foutre la merde. C'est ça, hein? Mais oh, bon, en même temps, la relation elle est un peu spéciale entre Marie et Geoffrey. Un peu spé, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Écoutez Marie et Geoffrey justement qui partagent leur amour. C'est beau, Ils sont pas normaux ces deux-là. C'est beau, c'est l'amour. Ouvrir les yeux, c'est au moment donné, voilà. Reste avec moi. Mais pourquoi faire? Pour passer le soir à pleurer. Marie, il faut que tu comprennes aussi qu'ici t'as pas d'amis. Y a pas d'amis, y a personne qui t'aime. Tu comprends ça? Ah, vous avez senti l'amour. C'est le plaisir, ça. Hein, vous avez senti l'amour entre les deux. Si au moins lui pouvait rajouter, mais moi je t'aime, mais non. Ça Geoffrey n'est pas capable. Ah bah non, ça il peut pas le faire, évidemment. Allez, vivement vendredi, comme ça au moins on aura le nom du gagnant. Ouais, c'est ça. En parlant de ça, on va vous mettre une 150 photo. 150 000 euros quand même. Hein. Ouais, quand même. Ouais, c'est un plaisir. Ouais. On va vous mettre une photo sur le blog. Allez voir. On dirait que la prod a déjà choisi le gagnant là. Sur la photo, en fait, on voit le fameux chèque de 150 000 euros justement déjà fait au nom de Géco. Mais arrête. Alors, des fois que ce serait Géco qui gagne, on sait jamais. C'est ça, déjà paraît, fait. Ça paraît. Prenne de l'avance. Hein. Ouais, ça paraît bizarre quand même, hein, on sait jamais. Bon voilà, donc Secret Story. Oh mon dieu, oui, j'aime bien ça. Oh, mais t'aimes tout, toi. Oui, il est relou, il aime tout, là. C'est quand même exceptionnel, ça. 7h27 sur Fun Radio. Restez bien là dans un instant. C'est l'info. L'info de Julie arrive et Deep Side DJs. Son que vous aviez découvert sur Fun Radio, ce sera Never Be Alone. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et on va reposer la petite devinette avant de prendre l'info avec Julie. La petite devinette, si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? La bonne réponse au 63-22. On peut la bouffer aussi en général, un bon steak frites. On la met en plus. Ça se met, hein? Oui, ça se met. Boudin, purée. Mais plus, ouais, plus avec du poulet, moi, je trouve. Avec du poulet, c'est vrai. Poulet frites et puis le petit dernier. Oui, c'est vrai. On dit saucisse, purée. C'est vrai, oui, donc on aime bien, t'aimes bien la saucisse, apparemment. Hein. Mais non, mais c'est parce qu'on mange souvent ça avec ça. Bah, ça va, attends. Bah quoi, y'a pas de mal, hein? Ah bah attends, je mange des indices tout de suite, j'ai l'air d'une. Bah quoi, t'aimes bien la saucisse? Bah pas tellement, en fait. Ah bah voilà, bah, moi non plus. Mais comme ça, vous êtes content, vous savez, vous en connaissez un peu plus sur notre vie. Je sais que ça intéresse voilà, tout le monde. C'est parfait. Mais bien sûr, 63-22 si vous avez la bonne réponse. Si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? En gros, concrètement, une seule action suffit. Hein. Commencez pas à vous faire chier avec des couteaux de partout là. 63-22, écran plat gagné ou pack Nintendo Wii, bonne chance. 7h30 sur Fun Radio, c'est les news maintenant avec Julie. Salut à tous, pas de miracle pour les Diables Rouges à Düsseldorf en Allemagne. Ils se sont inclinés 3-1 face aux Allemands. Ils n'iront donc pas en barrage de l'Euro 2012. Pourtant, ils avaient dominé le match les 30 premières minutes. Mais les Allemands ont repris la main, l'honneur est sauvé avec un but de Fellaini à la 85e minute. Après avoir présenté la réforme de l'État hier, Elio Di Rupo se remet déjà au boulot. Il faut maintenant s'attaquer aux socio-économiques et à la formation d'un gouvernement avec ou sans les écolos. Pour Elio Di Rupo, il est trop tôt pour répondre à cette question. Le formateur va rencontrer chaque président de parti aujourd'hui et demain en tête à tête. Et puis Sabine de Béthune du CDNV est la nouvelle présidente du Sénat. La sénatrice remplace donc Dani Peters, dont le parti la NVA ne participe plus aux négociations en vue de la formation de la prochaine coalition. Préavis de grève déposé dans toutes les prisons du pays. Condition dangereuse, pénurie de personnel, équipement vétuste, c'en est trop pour les syndicats. Un autre préavis est également possible le 22 octobre. L'électricité coûte plus cher. La fermeture de centrales nucléaires allemandes a fait augmenter les prix d'environ 8% sur le marché en Belgique. Après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement allemand a décidé de fermer ses centrales nucléaires. On ne connaît pas encore l'impact pour les consommateurs. car ce prix dépend notamment et des coûts de distribution, de transport et de taxes. Le prix total de la facture d'électricité pour le client en Belgique dépend pour environ 40% du prix sur le marché, prix qui a donc augmenté d'environ 8%. Le Motilium cause-t-il des arrêts cardiaques? En tout cas, c'est ce qu'affirme un pharmacologue ostendais dans le magazine Knack aujourd'hui. Le médicament provoquerait, d'après lui, chaque année en Belgique, des centaines de décès liés à des arrêts cardiaques soudains. Intox, d'après Janssen Pharmaceutica, la société à l'origine du médicament, qui indique qu'aucun décès n'a été lié au médicament Motilium sur les 10 dernières années. Nouveau piratage des comptes d'utilisateurs de services en ligne Sony. 93 000 comptes d'utilisateurs en ligne ont été utilisés par des personnes non autorisées. Sony avait déjà subi une attaque pirate massive il y a quelques mois. Le géant japonais a précisé que les comptes concernés avaient été suspendus, que les utilisateurs légitimes avaient été prévenus et invités à changer de mot de passe. Sony a rajouté qu'aucune coordonnée bancaire n'avait été piratée. Très bien, à la météo maintenant sur Fun Radio. Alors un temps couvert pour tout le monde, de la pluie sur le nord du pays, température entre 12 et 18 degrés. Demain, très bonne nouvelle, retour demain après-midi du soleil et ce jusqu'au dimanche. Ça fait plaisir, effectivement. C'est l'info en plus sur Fun Radio et dans un instant, on va écouter Deep Side DJs avec Never Be Alone. Fun Radio. Fun Radio. Bon alors l'info en plus, quelle est-elle? C'est notre ancienne championne de tennis, ancienne numéro 1 mondiale, Justine Hénin, qui nous prépare quelque chose d'énorme. Oh, ça va être génial. On l'attend avec impatience. Hein. Ah bah elle se reconvertit, notre juge nationale. Elle prépare une comédie musicale sur sa vie. Et c'est la chorégraphe et professeure de danse, Joëlle Moran, qui est quand même assez connue chez nous, qui lui a donné, qui l'a un peu poussé à se lancer donc dans cette comédie musicale. Elle avait déjà participé à Cap 48 l'année dernière, donc pour la RTBF, pour récolter des fonds pour les handicapés. Elle avait effectivement dansé et chanté, c'était son défi à elle l'année dernière. Et bien apparemment ça lui a donné des idées puisqu'elle veut se lancer dans une comédie musicale qui va mélanger danse, texte, chanson ainsi que des chorégraphies animées par des enfants. Le show pourrait donc être présenté devant 1500 à 2000 personnes par soirée et elle devrait même partir en tournée à travers la Wallonie. D'accord, quelle chance, dis donc, on va se marrer hein. Ah oui, ça va être le top du top, moi je vous le dis. Quelque chose d'assez énorme. Truc de dingue. 7h34 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Dans un instant, Mickaël réveille la Belgique en direct de Bastogne avec Sébastien Loeb qui se trouve avenue de la gare. C'est à Bastogne, donc si vous êtes dans le quartier, bah, vous avez le temps de Deep Side DJs pour aller le rejoindre. Si vous voyez quelqu'un avec un mégaphone en train de hurler dans toute la rue, eh bien c'est Sébastien Loeb. N'hésitez pas à le rejoindre justement, avenue de la gare à Bastogne. Et en attendant, on va s'écouter le son de Deep Side DJs maintenant sur Fun Radio. 7h35, c'est Never Be Alone. Bonne matinée tout le monde, Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Deep Side DJ sur Fun Radio, c'était Never Be Alone. Bonne matinée, il est 7h39 sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 9h30 avec les factures qu'on va vous payer encore tout à l'heure. 6322, débutez votre message par facture, c'est dans moins de 30 minutes. Alors les factures, quelques-unes au hasard que je viens de lire là, qui est tombé 39€ pour une lampe extérieure, disons qu'il l'a envoyé plusieurs fois lui. 135€ pour les vêtements pour l'hiver de ma fille, 88€ pour ma facture de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a aussi, 129€ pour Ospimut. C'est la mutuelle j'imagine hein. 143€ pour Ikea, 200€ pour un week-end en amoureux. Bref, si vous aussi vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, c'est tombé tout à l'heure et ça retombera à 8h10. 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme ça vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous allons avoir maintenant Sébastien Loeb. Allô Seb. Allô Loeb. Oh là là là là. Loeb. Allô. Ah, ça y est. Allô, Loeb. Bon, Loeb, dis donc, on t'avait prévenu que tu passes à l'antenne, non? Ouais, je sais bien, mais le problème, c'est que j'essayais de mettre Fanfreluche que j'ai mis à l'envers. Donc, Fanfreluche, c'est le lapin. Ah oui, d'accord, ok. Donc, oui. C'est Fanfreluche. Donc, voilà, donc là, je suis en train de terminer de mettre ma dernière manche. Très bien, d'enfiler Fanfreluche. Oui, donc il vient de s'habiller en lapin, en fait, hein, tout simplement, pour aller me faire un petit réveil à Belgique à Bastogne. C'est avenue de la gare. Bon, Loeb. Oui. Alors, t'es prêt, avenue de la guerre, il y a du monde, il n'y a pas de monde, comment ça se passe? Je suis devant une école en fait, carrément une Athénée. D'accord. Athénée Royale Mixte. Très bien. Voilà. Donc très bien, on y va donc, t'es prêt? On termine, on a mis le costume. Ça y est, il est beau, il est temps, pas prenel. Alors attention. Fanfreluche. Ah oui, Fanfreluche. Oui, Fanfreluche. Papa prenel. Allez. Michael, de 6h à 9h30, sur Fun Radio, fréquence. La fréquence, si, je l'ai donné tout à l'heure. C'est combien pour la fréquence? Oh, mais c'est une blague, je l'ai donné tout à l'heure, la fréquence, à Bastogne. 92.9. 92.9. Michel, je vais la même à Bastogne. 92.9, toujours, 9h30, La sirène, la sirène. Voilà. Et il y a les gens qui rigolent. Oui, tu m'étonnes, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce moi, que c'est je, et moi je vais crever. Qu'est-ce que c'est que ce débile? Mets la sirène, mets la sirène. Voilà, là, là tu réveilles les gens. Voilà, là c'est bon ça. Là les gens se réveillent. Qu'est-ce que c'est que cette connard là? Je suis sûr qu'ils ont mis la sirène juste pour passer au rouge, c'est con là. C'est un bruit très agréable pour se réveiller. Je suis sûr. En plus, il y a une prof avec nous, donc ça va, on va pas se faire engueuler. Mais on s'en fout, t'es pas à cette école-là, si tu veux qu'il t'arrive, elle va pas te virer du lit comme t'es pas. C'est ça. Donc voilà. Bon, bah très bien, bon réveil. Bon réveil sur Bastogne. Eh ben c'était parfait. Vidéo à mater bien sûr sur amical.fm dès que Lob revient à la radio, c'est-à-dire dans un petit bout de temps. Bon, à tout à l'heure, Lob. Et dans un instant sur Fun Radio, Pitbull. Avec Marc Anthony, ce sera Rain Over Me sur Fun Radio et la ligne anti-relou également. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun, il est 8h moins quart et on passe maintenant à l'infotrafic avec notre amie Julie. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Soyez prudents, objet encombrant sur le 17 Anvers en direction de Courtrai à hauteur de Kalken. Eh bien, c'est un objet encombrant sur la bande du milieu. Accident sur le 40 à Chêne-Liège-Bruxelles à hauteur de Zaventem en direction de Bruxelles. Accident sur le 19 Breda de jusqu'à Anvers à hauteur de Kleine-Barrel. L'accès est fermé. Ah bah, y a donc de la merde hein, sur les routes apparemment. Donc faites gaffe si vous êtes témoin d'un problème sur la route aussi, que ce soit un bouchon, un accident ou même un radar qui serait éventuellement planqué. N'hésitez pas à venir nous en parler. 3044 par SMS, vous envoyez le petit message et puis nous on le lira à l'antenne. Ou alors sur le mail mikl@funradio.be et du coup c'est gratuit. Je vous rappelle également la petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ce matin. Si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? Concept, ça se mange aussi avec poulet frites et puis vous mettez ça en plus, ça peut être pas mal à base de j'allais dire la réponse, à base de pommes. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, on peut aussi dire qu'on peut les broyer quoi. On donne ça au bébé. Voilà, oui c'est vrai, on peut les donner au bébé aussi, ou ceux qui ont pas de dents. C'est facile à manger, ouais. Ouais, ou ceux qui viennent se faire opérer des dents de sagesse par exemple. Ça aussi c'est une idée. Voilà, la bonne réponse, 63-22, bonne chance. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et tous les matins à 7h, 8h et 9h moins quart, c'est la ligne anti-relou sur Fun Radio. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur la ligne que nous mettons à votre disposition, c'est-à-dire le 0-473-86-00-13. Numéro à donner bien sûr à tous les relous que vous pouvez croiser, qui viendraient vous voir comme ça en boîte, en soirée, dans un bar, peu importe. En tout cas, ce numéro est à votre disposition. Deux bonnes nouvelles. Profitez-en. Bah ouais, la première, c'est que vous allez te débarrasser du mec le soir même, puisqu'il va croire qu'il a enfin votre numéro de téléphone et qu'il a fait l'affaire du siècle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il ne vous prendra pas la tête le lendemain matin à vous appeler, puisque bah forcément, bah quand il appellera, il tombera chez nous, comme lui par exemple. Bonjour, c'est Yasmine, c'est pour dire que j'ai mangé une pizza. Non, mais c'est une blague. C'est tout. Bonne nuit. Salut. Bonne nuit à toi aussi. Faut comme savoir qu'elle nous a appelé. Une fois elle a mangé des chicons, une fois elle a mangé des frites. Épinards. Ça y est, maintenant elle a mangé une pizza. Elle a mangé une pizza et on est ravis de la prendre. Mais attends, pourquoi est-ce qu'elle appelle ce numéro pour expliquer ce qu'elle a mangé? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça l'occupe. Peut-être que, ouais, peut-être que ça l'occupe. Ah, bon. Ouais. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relo. J'y vais. C'est moi. Oui, c'est moi. J'ai envie d'acheter des trucs. Quoi. Non, on n'a pas envie. Non. Ouais, rappelle-moi, c'est moi, André, ton chéri. Oh, oui. Oui. Oh, ça donne pas du tout, mais du tout envie, quoi. Ah non, vraiment pas. Et je suis sûre qu'il y a plein de relous qui pensent que ça excite, tu vois, quand ils prennent une voix comme ça. En fait, non, vraiment pas. L'horreur, quoi. L'horreur. Arrêtez ça tout de suite. L'horreur. Bon, allez, troisième et dernier message. Pardon, madame, je suis une erreur. Eh ben voilà, comme ça au moins il est vite plié, tiens. Bon, restez bien là, dans un instant on va essayer d'aller réveiller Benoît Lugène avec Sébastien Loeb. Apparemment il serait pas loin de là où il se trouve à Bastogne, donc on va essayer de l'appeler dans un instant. Et puis on appellera encore, bon, on essaiera d'appeler RTBF aussi pour gueuler parce qu'ils nous ont mis un match où la Belgique a perdu à la place de Plus belle la vie. Un match pourri. Voilà, et on appellera encore des gens aussi pour leur dire que Dexia 4 milliards d'euros ça a coûté la Belgique. Donc forcément les Belges vont devoir payer. Il faut casquer. Ah c'est pas le tout des propriétaires, faut acheter maintenant. Ah c'est ça. Donc ça fait 370 euros par tête de pipe, peu importe s'ils travaillent ou pas, hein, peu importe s'ils sont 10 dans la famille, ça fera 3700 euros s'ils sont 10 dans la famille. Ah évidemment. Ah c'est comme ça, on chipote pas. On fait tout ça juste après Pitbull et Marc-Anthony sur Fun Radio. Rain Over Me. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Le son de Pitbull à l'instant et Marc-Anthony sur Fun Radio, c'était Rain Over Me, bonne matinée, 7h53 sur Fun. Alors tout à l'heure on essaiera d'appeler encore une fois les gens là pour Dexia, je vous en avais parlé, on va faire ça d'ici quelques instants, donc restez bien sur Fun Radio, ça va pas tarder. Il y aura aussi l'horoscope de Doudou, ça ce sera d'ici quelques instants, et normalement on devrait retrouver actuellement Loeb, encore une fois depuis Bastogne. Allô Loeb? Allô, oui. Voilà, oui, Loeb est de nouveau là, très bien. Donc Loeb qui est donc toujours depuis Bastogne, et apparemment vous auriez trouvé l'adresse de, grâce à un auditeur qui est venu te rejoindre à Vue de la Gare là à Bastogne, l'adresse de Benoît Lugène. Oui, le président du CDH. Donc. Exactement. Le but évidemment, voilà. Aller le réveiller. Oui, donc alors, là, on est devant sa porte. Hein. Ouais. On est devant sa porte. J'ai le doigt sur la sonnette. Et j'appuie déjà. Et là, tu prends le mégaphone et tu fais « Benoît, bouge ton cul ». Déjà qu'il n'est pas bon d'être ministre pour l'instant, et là, encore moins. La seule émission qui réveille les politiques. Ah, qui essaye le en tout chien, cas. Il y a le chien à la fenêtre. Ah, qui va descendre sur moi. Voilà, le chien. Ah, voilà, le chien aboie, donc, à mon avis. Ah, nous allons voir quelqu'un. Mais à 8 hommes, peut-être qu'il est déjà parti. Je vais mettre la sirène, je ne sais, il va croire que c'est la police et qu'il va sortir un peu de C'est ça. On vient pour les fausses factures. Ouais, c'est ça. Non, apparemment, il a vu la voiture devant la maison. Et comment... Oui, en principe, il y a, parce que la voiture, il y a... Sonne. Mais il a pas de garde du corps, ce mec. Tu crois vraiment qu'il a envie de sortir de chez lui, là? Non, mais attends, mais sonne. Il y a un espèce de taré en lapin devant sa maison. Franchement, qui ouvrirait la porte? C'est pas moi, en tout cas. C'est en pas fou. Le chien, c'est très bizarrement, il dit, mais c'est quoi ce gros animal? Mais oui, c'est ça. Tiens, je vais le bouffer, tiens. C'est mon petit déjeuner c'est ce matin. Fantreluche. Bon, sonne. Ouais, ben j'ai ressonné, Monsieur le ministre. Je crois que. Il y a les flics qui vont débarquer, tu vas voir. Ah, ça par contre, oui, peut-être qu'il a déjà appelé la police. Ouais. Ah, ça, ce serait bon. Comme ça, tu iras réveiller les gens en garde à vue. Bah oui, c'est ça. Les bourrés, tu sais, qui terminent leur cuite. Bon, répète encore une fois, Il y a de la lumière derrière. Oh, mais ça va être sa femme. Il y a de la lumière derrière. À mon avis, oui. On n'aura pas Benoît Lugène, c'est dommage. C'est tellement tendu pour l'instant, il bosse déjà peut-être. Il bosse. Il y a sa voiture qui est là. La voiture. Ah bon. Oui, c'est tu sais que c'est la voiture de Benoît Lugène. Il y a quelqu'un ou pas? Il y a quelqu'un ou pas? À mon avis, il se lave, parce qu'il y a la lumière, qui semblerait être une salle de bain. Bah, dis-lui de passer la tête à la fenêtre au moins. Bah, quoi. Ouais, c'est ça, tu dis Benoît Lugène, Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio. C'est dommage. Benoît Lugène, Mickaël réveille la Belgique tous les matins sur Fun Radio, sur le 92.9. Oh, il est pas là, il se lave. Bah, il faut bien qu'il se lave, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah voilà, c'est ça. Il y a un moment où il faut bien se laver, à un moment ou à l'autre, c'est clair. Maintenant, il y a quand même des camionneurs dans sa rue, donc j'ai quand même peur qu'ils me bloquent. Hein. C'est le ministre. Hein, c'est pas grave. Mais oui, on peut pas faire ça. Hein. Bon, très bien. Bah là, reviens à la radio, alors tant pis hein, pour Benoît Lugène, c'était bien essayé. Ça va, ok, à tout à l'heure alors. Bon, à tout à l'heure, très bien. Et puis on va se faire. On a fait vite un petit appel pour Dexia ou on n'a pas le temps? C'est toi qui vois si on a le temps ou pas. Bon, alors vite fait. Je suis chaud, mais. Bon, on va rappeler les pauvres gens là de Dexia. Enfin, pas de Dexia, mais en l'occurrence des gens qui vont devoir contribuer à l'achat de Dexia. De toute façon, ils seront plus pauvres hein, une fois qu'ils auront participé, qu'ils auront donné leurs 370 euros par personne habitant à la maison. Tout à fait. Et donc là, il y avait un message qui est arrivé qui dit client Dexia, c'est Steph, client Dexia, il va péter un câble. C'est un SMS qu'on avait reçu. Donc on les appelle, enfin on l'appelle en l'occurrence tout de suite, c'est parti. Ça ne téléphone pas, ça commence très. Ah ouais. Petit pronostic, Julie. Un échec. Ah. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour ministère des Finances à l'appareil. Oui. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous rappelle au sujet de Dexia. Vous savez, le rachat qui est en cours. Oui. Oui, voilà. Donc, bien évidemment, vous savez que ça va coûter 4 milliards à l'État. Oui. Voilà. Vous pensez pas que vous avez vu l'heure? Oui, j'ai vu l'heure, hein, et donc il n'y a pas d'heure pour prendre de l'argent aux contribuables, hein, vous savez. Donc je vous appelle pour vous réclamer 370 euros, c'est-à-dire votre dû. Votre dû pour le rachat, hein, puisque donc nous avons lissé ça sur tous les contribuables belges, et donc ça représente 370 euros pour chaque contribuable. Voilà, et donc je voulais savoir comment est-ce que vous comptiez régler? Bah, je compte pas régler. Ah, malheureusement, monsieur, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est pas vous qui avez décidé de racheter, donc malheureusement, il faut payer. Hein. Ouais, ça va alors. Donc voilà. Donc ça ne me dit pas comment vous comptez régler, monsieur. Bah, si vous voulez passer, je vais vous donner l'argent liquide. Ah, vous voulez donner l'argent liquide? Eh bien, écoutez, très bien, monsieur. Nous allons envoyer un agent qui va venir récupérer l'argent chez vous, alors. Ok, ben ça va, pas de problème. Eh bien, écoutez, très bien. Mais je vous remercie, monsieur, de votre collaboration. Ouais, pas de souci. Merci, au revoir. Voilà, c'est une bonne affaire là. Hop là, 370 euros. Oui. Voilà. Oh, oui, on a récolté nos premiers, c'est 370 euros. Tu vas bien sûr les recevoir sans aucun problème. Reste plus que 3 999 630 euros à gagner. Voilà. Enfin, à récupérer. Ça va, c'est possible. Hein. Bah oui, c'est rien. Bah oui, c'est une bagatelle. Bon, allez, on essaiera d'appeler les RTBF aussi tout à l'heure. Et dans un instant, c'est Liquidy sur Fun Habitor. Ce sera I Follow Rivers, et puis il y a la faux aussi qui va arriver avec notre amie Julie. Ce sera dans moins d'une minute. Restez bien là, on remboursera vos factures. Bref, plein de choses à venir sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. Il est 8h30 sur Fun Radio, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 9h30, c'est Mickaël à la radio et les news maintenant avec Julie. Salut à tous, pas de miracle pour les Diables Rouges à Düsseldorf en Allemagne, ils se sont inclinés 3-1 face aux Allemands, ils n'iront donc pas en barrage de l'Euro 2012. Pourtant, ils avaient dominé le match les 30 premières minutes, mais les Allemands ont repris la main. L'honneur est sauvé avec un but de Fellaini à la 85e minute. Après avoir présenté la réforme de l'État hier, Elio Di Rupo se remet déjà au boulot, il faut maintenant s'attaquer aux socio-économiques et à la formation d'un gouvernement. Avec ou sans les écolos, pour Elio Di Rupo, il est trop tôt pour répondre à cette question. Le formateur va rencontrer chaque président de parti aujourd'hui et demain en tête à tête. Et puis Sabine de Béthune du CDNV est la nouvelle présidente du Sénat. La sénatrice remplace donc Dani Peters, dont le parti, la NVA, ne participe plus aux négociations en vue de la formation de la prochaine coalition. Préavis de grève déposé dans toutes les prisons du pays. Conditions dangereuses, pénurie de personnel, équipement vétuste, c'en est trop pour les syndicats. Un autre préavis est également est possible le 22 octobre. Monseigneur Léonard ne veut pas de directeur d'école divorcé. Dans le numéro d'octobre de Pastoralia, la revue du diocèse de Malines-Bruxelles, Monseigneur Léonard estime que les divorcés doivent éviter les tâches qui les placent dans une position délicate ou difficile. Concrètement, le primat de Belgique leur déconseille d'enseigner la religion ou d'exercer une fonction de direction dans l'enseignement catholique. Le président du collège des directeurs de l'enseignement fondamental catholique s'indigne. Les associations de parents lèvent aussi le bouclier. Le Motilium cause-t-il des arrêts cardiaques? En tout cas, c'est ce qu'affirme un pharmacologue ostendais dans le magazine Knack aujourd'hui. Le médicament provoquerait, selon lui, chaque année en Belgique, des centaines de décès liés à des arrêts cardiaques soudains. Intox, d'après Janssen's Pharmaceutica, la société à l'origine du médicament, qui indique qu'aucun décès n'a été lié au Motilium sur les 10 dernières années. Nouveau piratage de comptes d'utilisateurs de services en ligne Sony. 93 000 comptes ont été utilisés par des personnes non autorisées. Sony avait déjà subi une attaque pirate massive il y a quelques mois. Le géant japonais a précisé que les comptes bancaires avaient été suspendus et que leurs utilisateurs légitimes avaient été prévenus et invités à changer leur mot de passe. Et Sony a ajouté qu'aucune coordonnée bancaire n'avait été piratée. Très bien, météo maintenant sur Fun Radio. Un temps couvert dans l'ensemble et même pas mal de pluie sur le nord du pays. Température, ça va encore aller de 12 à 18 degrés. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est pour demain après-midi. Le retour d'un anticyclone qui va se caler sur le pays jusque dimanche. Donc, beau ça soleil. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Restez bien là, c'est Liquili dans un instant. I Follow Rivers sur Fun Radio. Et je vous explique comment faire pour gagner le remboursement de vos factures. Fun Radio. Fun Radio. Les factures vont tomber dans un instant sur Fun Radio. On va vous appeler en direct, peut-être pour vous rembourser votre facture. Pour ce faire, facile, 63-22, débutez le message par facture, avec le montant et l'objet de la facture. Comme là, par exemple, 107 euros pour un voyage à Rome, ça c'est pas cher. 48,65 € pour des sous-vêtements, 60 euros pour de la lingerie, 85 euros pour le vidage de ma fosse septique, comme c'est sympa. 42 euros pour les entrées du salon Estetica, 68,93 € pour 7 kilos de viande, ok. Pourquoi pas 50 euros pour ma facture de Télédis net et téléphone, ouais c'est ça. 224 euros pour les impôts de mon fiston, etc. Mais il a qu'à les payer lui-même, dis donc, hein, il a qu'à travailler comme tout le monde, non mais je rêve. Bon, 63-22 si vous voulez avoir une chance, c'est vrai. Si vous voulez avoir une chance qu'on vous appelle en direct dans 5 minutes, 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. L'info en plus, quelle est-elle? Eh bien. Sarah, je me dis qu'est-ce qui s'est passé, elle s'est arrêtée. J'ai failli encore m'étrangler, mais ça devient une habitude. Sarah Deming, une spectatrice américaine, n'est pas contente du tout. Elle a été voir le film Drive et elle a décidé de porter plainte contre le distributeur du film. Pourquoi ? Parce qu'elle s'estime trompée par la bande-annonce du film réalisé, ouais. Le film réalisé par Nicolas Winding. Eh bien, elle a donc vu la bande-annonce et elle pensait que ce film était un peu similaire à Fast and Furious, donc un film de poursuite et de course. D'après elle, c'est ce que la bande-annonce montrait, quoi. Donc elle avait l'impression que Drive, ça allait être ce genre de film. Eh bien, elle a vu le film et en fait, pas du tout. Pour elle, ce n'était pas du tout un film de poursuite ou de course et donc elle s'est sentie flouée. Et Sarah Deming a décidé de porter plainte contre le distributeur du film Drive pour être remboursée de sa place de cinéma. D'accord, ok, bah pourquoi pas, hein. Elle ne cesse pas faire. Mais non, bah elle a bien raison. En même temps, c'est juste un remboursement de la place de ciné, ça devrait normalement être pas trop compliqué non plus. Bon, dans un instant, c'est la réponse, c'est la devinette qui colle. Est-ce qu'on a la devinette qui colle ou pas, Toff, là maintenant là? Elle est là, oui, ou elle est pas là? Elle est là, elle s'appelle Valérie, elle s'appelle Boncel. Salut Valérie de Boncel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, Mickaël. Bon, bah tant mieux, Valérie, t'as quel âge? 38 ans. 38 ans, sois la bienvenue sur Fun. Valérie, tu as donc la réponse et la devinette qui colle. Si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? Alors, on en fait une bonne compote et puis on fait 7 parts égales. Eh ben voilà, exactement, t'as tout dit, Valérie, bravo à toi. Eh ben, l'écran play est pour toi ou le pack Nintendo, oui, tu gères ça au standard, Valérie. Je te souhaite une bonne journée, okay. À Boncel, gros bisous. Merci également, salut. Salut, salut. Et dans un instant, c'est une nouvelle devinette qui colle. On vous rembourse vos factures également, ça aussi, ce sera dans un instant. Et on écoute Liquili maintenant sur Fun à 8h06. I Follow Rivers, bonne matinée sur Fun Radio. Liquili sur Fun Radio, I Follow Rivers. Je vous rappelle aussi qu'on a des places à vous filer pour la Smart Cup. Ça se passe au 6322, code Smart, tout simplement, et vos coordonnées complètes. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et dans un instant, c'est Coolio qui arrive aussi avec Gangsta's Paradise. Ça fait plaisir, c'est un bon vieux son de 1994. Bien vieux, mais bon quand même, faut le dire. Allez, on appelle quelqu'un maintenant pour lui rembourser cash sa facture. 6322, débutez le message par facture. On rappellera à 9h10 si jamais on n'appelle pas chez vous, on sait jamais. Alors, quelqu'un qui s'est inscrit donc au 63-22 et on va rembourser combien, Toff, là? 48,65 €. Très bien, il y en a plein qui s'étaient inscrits, hein. 107 euros pour le voyage à Rome, là. Et on sait ce qu'on rembourse ou pas du tout? Non, on sait pas, on va pas demander, hein. 48,65 €. La surprise. Oui. Ah. Allô? Allô, bonjour? Oui. Bonjour, qui paye les factures le matin? Radio. Mais oui! Eh ben voilà, t'as vu, on t'appelle. Combien on va te rembourser alors? Bah je sais pas, j'en ai envoyé deux. Ah bah Toff, c'était combien celle qu'on a tiré au sort? 48,65 €. 48,65 €. Des sous-vêtements, c'est ça. Ah, des sous-vêtements. Oh, et l'autre, acheté un petit string. Et l'autre, c'était quoi? Une lampe. Une lampe? Ah, lampe extérieure. Ouais. Bah, c'est dommage, on a payé la plus chère. Merde. Ouais. Merde, dommage. Bon, et bah très bien. Bah, 48 euros, t'as pas dû acheter du grand luxe sur les sous-vêtements, parce que ça me paraît pas cher. Bah, peut-être un soutien et de tangas. Ah ouais, bah écoute, ouais, bah ça va, hein, c'est. Ouais. C'est pas trop cher parce que tu peux t'acheter à la limite que un soutien pour ce prix-là. Hein, donc ah ouais, c'est bien, général, bonne affaire. Bah, c'est ça, que Julie achète de la lingerie chère. Mais oui, très cher, moi je dépense des milliers d'euros dans la lingerie. Blindé. Voilà, toutes les semaines, je refais ma garde-robe lingerie. Hein. Comment tu t'appelles au fait? C'était son mal. Mélanie. Mélanie, t'as quel âge? T'es dans quelle ville, Mélanie? J'ai 21 ans et je suis à la Louvière. La Louvière, très bien. Eh ben écoute, pas de problème Mélanie, on va t'expliquer comment faire pour te rembourser. Et puis bah gros bisous à la Louvière. Hein. Je rappelle également à tous ceux qui sont sur la Louvière. Salut, salut. C'est sur 107.3 pour écouter Fun Radio dans le Hainaut à la Louvière. Gros bisous Mélanie, à bientôt. Gros bisous, ciao. Bon et puis les autres, hein, si vous voulez aussi qu'on vous rembourse vos factures, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 63.22 comme Mélanie, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et peut-être que dans moins d'une heure, c'est chez vous qu'on va appeler. Dans un instant, la devinette qui colle pour l'écran plat et le son de Coolio maintenant. Ça, ça fait du bien ça. Juste avant l'arrivée de Doudou et l'horoscope à 8h12. Coolio maintenant, Gangsta's Paradise. Bonne matinée sur Fun Radio, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 comme chaque matin. Ah, la musique était quand même bien à cette époque, hein. Autre chose qu'aujourd'hui, hein. Oui, ça un va. Bon vieux, tiens. Papy Mickaël qui nous. Oh, ça va, c'est une vanne. 8h16 sur Fun Radio. Bon réveil, Coolio à l'instant avec Gangsta's Paradise. Dans un instant, restez bien là, puisqu'il y aura Kate de Luna aussi. Avec Fatman Scoop, ce sera Drop It Low. Et la déclaration express de Sébastien Loeb. Ce sera aussi d'ici 5 grosses minutes. Je vous annonce également maintenant la devinette qui colle, la dernière de ce matin, pour repartir avec le troisième écran plat. Car oui, nous offrons un écran plat chaque heure entre 6h et 9h30. Alors attention, écoutez bien. C'est long, dur, poilu et ça rentre dans un orifice humain. Qui suis-je ou que suis-je? Si vous avez la bonne réponse, 63.22 par SMS, 1€ le message avec un écran plat à gagner ou alors avec tout simplement le pack Nintendo Wii avec la console, les manettes et les jeux. Je répète, c'est long, dur, poilu et ça rentre dans un orifice humain. Si vous avez la bonne réponse, 63.22, bonne chance. Allez, c'est parti maintenant avec l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope de Doudou, bien évidemment, comme chaque matin. Allez, Doudou. Oui, je suis là. Il faut avoir un don pour faire l'horoscope. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Oui, enfin ça dépend. Moi je pense que ça dépend, mais c'est surtout que c'est une science et qu'il faut l'apprendre, hein, c'est tout. Ah donc vous êtes allé à l'école des voyants. Oui c'est ça. Moi j'ai fait la Horoscope Academy. Hein. C'est pas facile parce qu'en plus, comment dire, il faut donner une caution pour garantir la pratique exclusive de l'horoscope. Exclusive de l'horoscope. Ah oui parce qu'il y en a ils trichent, hein, ils font du vaudou, la magie noire et bon c'est pas juste hein, sinon. Ah évidemment. Bon allez Bélier. En gros c'est ma faute, c'est moi qui pose la question. On vous écoute. Ne soyez pas arrogant, réfléchissez qui vous prend pour... Pardon. Ne soyez pas arrogant, réfléchissez à qui vous prend au sérieux. Les taureaux. Même si elles vous apparaissent non productives, faites des pauses. Très bien les gémeaux. Vous êtes gai comme un pinson et cette phase va durer encore un peu. Très bien les cancers. Le stress au travail pourrait vous surpasser. Les lions. Aujourd'hui, vous allez profiter de votre effet positif sur le sexe opposé. Les vierges. Vous êtes actuellement sujet au rhume, alors prenez cela avec de la vitamine C. Très bien, les balances. C'est avec patience et goût du risque que vous déjouez habilement la concurrence. Les scorpions. Ça ne sert à rien de vous surmener. Veillez à boire et à dormir suffisamment. Les sagittaires. Vous croyez que le monde s'est lié contre vous ? Vous n'avez pas tort. Les capricornes. Aujourd'hui, vous êtes imbattables et une bonne idée peut vous faire aller de l'avant. Les Verseaux. Il faut faire des efforts pour avoir du succès. Vous avez cru que tout irait de soi. Mais non, soyez plus ambitieux. Et enfin, pour finir, les poissons. Après tous ces efforts, vous recevez enfin ce que vous avez mérité. Ah bah très bien. Merci Doudou, on vous retrouve tout à l'heure. Ah bah de rien, tout à l'heure. Et puis on va se faire la déclaration express dans un instant. Le temps d'écouter Kate de Luna maintenant avec Drop It Low sur Fun Radio. Kate de Luna sur Fun Radio avec Drop It Low. Dans un instant, la déclaration express. Et je vous rappelle également la devinette qui colle. Devinette qui colle, donc c'est long, c'est dur, c'est poilu et ça rentre dans un orifice humain. Si vous avez la bonne réponse, c'est au 63-22 que ça se passe. On proposait un coton-tige. Non, pas du tout, je peux vous donner un indice. Le coton-tige ne peut pas l'être alors que l'autre peut être électrique. On peut mettre des piles dedans pour que ça marche mieux. Enfin, ça marche mieux. Je sais pas si ça marche mieux, mais surtout en tout cas. Surtout que c'est moins fatigant, quoi. Bon, c'est moins fatigant. Non, mais cela dit, il paraît que ça marche mieux quand même. J'ai vu quelques petites études et ça enlève quand même plus de. Enfin, bref. Bon, donc si vous avez la bonne réponse, écran plat à gagner ou alors, tout simplement, eh bien, le pack Nintendo Wii. Voilà, je vais y arriver. Nintendo Wii, donc avec la console, les jeux et les manettes pour repartir avec ça. Vous donnez tout simplement la bonne réponse à la devinette qui colle. C'est long, c'est dur, c'est poilu et ça rentre dans un orifice humain, donc King Kong en érection. Non, pas du tout. Il y en a déjà qui se lâchent, effectivement, hein, sur les SMS là. sont bien bien. Ah oui, bien sûr, ils sont au taquet. Donc, bien crade. Coton-tige, c'est pas ça. Et bien évidemment, c'est marrant parce que Julie ne tombe que sur les messages dégueulasses. Ah non, non, mais c'est juste. C'est parce qu'on m'envoie que cela, peut-être. Ah, peut-être que ça vient de là aussi, peut-être effectivement. Sur mon ordinateur, ouais. Je n'ai que les messages dégueulasses. Peut-être. Et un message qui dit salut, tu fais quoi de beau? Bah, moi, je suis à la radio, et toi? Ah bah écoute, moi je fais des infos. Eh bah très bien, et toi qui nous envoyais le message, tu fais quoi de beau? N'hésite pas à nous le dire si tu veux. 6322, n'hésite pas. Bon alors, nous aurions dû avoir quelqu'un. Alors on essaie de combler en fait, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Là on essaie de combler parce qu'on aurait dû avoir la déclaration express. Mais oui, mais malheureusement on n'a pas l'auditeur qui devait faire la déclaration express. Et ce qui est bien malheureux, le concept de la déclaration express, je vous le rappelle. Alors l'homme n'est pas là parce qu'en fait il est parti à Bastogne tout à l'heure pour faire un Mickaël réveille la Belgique. Déguisé en lapin, mais rassurez-vous, il a enregistré la déclaration express que du coup bah, nous allons faire d'ici quelques instants, hein. Je pense que ça me paraît pas mal, on va faire ça dans un instant, ça me paraît mieux que de rester à pleurer ici le temps que nous ayons la personne qu'on doit appeler, puisque ça ne décroche pas chez cette personne. Ce n'est pas grave, vous cassez pas, on fait ça juste après l'info, ça me paraît avant-dire. Voilà, on va reporter ça un petit peu. Mais oui, on fait ça dans un instant juste après l'info. Ah nom de Dieu, oui, j'aime bien ça. Ah nom de Dieu. Eh ben, c'est le principal que t'aimes bien la déclaration express. Et restez là aussi, puisque dans un instant sur Fun Radio, ce sera Jason Derulo avec Kid Girl. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. Fun à la radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et à 8h27 sur Fun Radio, dans quelques instants, nous aurons la déclaration express avec un peu de retard aujourd'hui. C'est pas grave, elle arrive. On vous remboursera une dernière fois vos factures, ce sera à 9h10. Et on écoute maintenant Julie avec l'info. C'est parti à 8h27, 2 minutes 30 avant les autres, c'est beau. Salut à tous. C'est rare, mais c'est beau. Ah oui, c'est beau ça. Pour ceux qui ne le savent pas encore, pas de miracle pour les Diables Rouges à Düsseldorf en Allemagne hier. Ils se sont inclinés 3-1 face aux Allemands. Ils n'iront donc pas en barrage de l'Euro 2012. Pourtant, ils avaient dominé le match les 30 premières minutes, mais les Allemands ont vite repris la main. Allez, l'honneur est sauvé avec un but de Fellaini à la 85e minute. Après avoir présenté la réforme de l'État hier, Elio Di Rupo se remet déjà au boulot. Il faut maintenant s'attaquer aux socio-économiques et à la formation d'un gouvernement. Avec ou sans les écolos, pour Elio Di Rupo, il est trop tôt pour répondre à cette question. Le formateur va rencontrer chaque président de parti aujourd'hui et demain en tête-à-tête. Et puis Sabine de Béthune du CDNV est la nouvelle présidente du Sénat. La sénatrice remplace donc Dani Peters, dont le parti, la NVA, ne participe plus aux négociations en vue de la formation de la prochaine coalition. Préavis de grève déposé dans toutes les prisons du pays. Conditions dangereuses, pénurie de personnel, équipement vétuste, c'en est trop pour les syndicats. Un autre préavis est également possible pour le 22 octobre. Monseigneur Léonard ne veut pas de directeur d'école divorcé. Dans le numéro d'octobre de Pastoralia, la revue du diocèse de Malines-Bruxelles, Monseigneur Léonard estime que les divorcés doivent éviter les tâches et qui les placent dans une position délicate ou difficile. Concrètement, le primat de Belgique leur déconseille d'enseigner la religion ou d'exercer une fonction de direction dans l'enseignement catholique. Le président du collège des directeurs de l'enseignement fondamental catholique s'indigne. Les associations de parents lèvent aussi le bouclier. Le motilium cause-t-il des arrêts cardiaques? En tout cas, c'est ce qu'affirme un pharmacologue ostendais dans le magazine Knack aujourd'hui. Le médicament provoquerait chaque année en Belgique, selon lui, des centaines de décès liés à des arrêts cardiaques soudains. Intox, d'après Janssens Pharmaceutica, la société à l'origine du médicament, qui indique qu'aucun décès n'a été lié au motilium sur les 10 dernières années. Les jeunes Belges possèdent de plus en plus souvent un GSM. 2/3 des enfants de 10 ans possèdent un téléphone portable. C'est ce qui ressort d'une étude du CRIOC menée auprès de quelques 3000 jeunes de 10 à 17 ans. De manière générale, 91% des jeunes possèdent un GSM, soit 5% de plus qu'en 2009. Un jeune sur 5 possède par ailleurs un smartphone. Et l'étude démontre également qu'envoyer des SMS reste l'application la plus populaire. Les jeunes envoient en effet en moyenne 88 messages par semaine. Il est 8h30 sur Fun Radio, c'est maintenant l'heure de faire péter la météo. Un temps couvert, beaucoup de nuages et pas mal de pluie sur le nord du pays. Les températures atteindront de 12 à 18 degrés. Bonne nouvelle quand même, demain, un petit anticyclone va s'installer sur le pays jusque dimanche, ce qui nous promet du soleil. Ça fait plaisir. Dans un instant, c'est l'info en plus et on écoutera aussi le son de Jason Derulo avec Hit Girl. Fun Radio. Fun Radio. Bon alors, cette info en plus justement, avant d'arriver à Jason Derulo et à la déclaration express. Et bien l'info en plus, c'est que notre ancienne championne de tennis, Justine Hénin, notre juju nationale, ouais, l'ancienne numéro 1 mondiale, eh bien elle se reconvertit. Alors, elle avait déjà ouvert un club de tennis, un restaurant, et bien maintenant, elle va se lancer dans la comédie musicale. Ça fait très peur. Elle va raconter l'histoire de sa vie, une comédie musicale qui devrait mélanger danse, texte, chanson, ainsi que chorégraphie animée essentiellement par des enfants. Elle va donc raconter sa vie en chanson et en danse. Il faut dire que l'année dernière, pour Cap 48, donc pour la RTBF, l'émission qui récolte des fonds pour les handicapés, elle avait déjà chanté et dansé, c'était son défi. Apparemment, ça lui a donné goût à ce genre de défis. Et puis c'est Joël Moran, la professeure et chorégraphe très connue, professeure de danse très connue en Belgique, qui la pousse vers ce projet et qui l'entraîne certainement aussi. Et bien donc cette comédie musicale pourrait être présentée devant 1500 à 2000 personnes par soirée et devrait même partir en tournée à travers la Wallonie. Gros dossier qui se prépare. Tu m'en veux pas si je cache ma joie? Non, non, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Non mais c'était pour être sûr, hein, parce que ça, ça a quand même l'air Ça va être spécial. Chiant. Voilà. Oui, bah ça va être spécial. Ouais, c'est ça le mot que j'ai cherché. Ah, écoute, si t'es fan de Justine Hénin, tu peux aller l'avoir dansé et chanté. Hein. Ah ouais, bah il faut vraiment être fan alors. Hein. Bon, 8h32 sur Fun Radio, dans un instant, la déclaration express. Et puis on va s'écouter le son de Jason Derulo maintenant avec Hit Girl. Je vous rappelle aussi la petite devinette qui colle pour repartir avec un écran plat ce matin. Écran plat comme tous les jours d'ailleurs. Hein. On vous en offre 3 par émission, 1 par heure donc. Ou alors le pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Écoutez bien, c'est long, c'est dur, c'est poilu et ça rentre dans un orifice humain. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 63-22, ce n'est donc pas, comme on voit beaucoup de réponses d'ailleurs, un coton-tige. Non. Ce n'est pas ça et ce n'est pas un doigt non plus. C'est voilà, plus gros. Car le doigt ne peut pas être électrique. Non, enfin, plus compliqué pas que ça. Encore en tout cas. Non, bon, en tout cas pas encore. Voilà, la bonne réponse au 63-22, c'est un euro le message. Bonne chance. Et on va écouter Jason Derulo maintenant. 8h33, bon réveil sur Fun Radio. Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Et c'est Hit Girl qu'on écoute maintenant. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Avicii qu'on va écouter avec Levels. Avicii avec Florida et Levels, ça arrivera dans quelques instants sur Fun Radio. Il est 8h36, ne bougez pas de là. Nous allons maintenant pouvoir faire la déclaration express. Déclaration express, c'est avec Sébastien Hobb qui donc aujourd'hui a enregistré la déclaration express car il est à Bastogne, il était à Bastogne pour faire un petit Mickaël réveille la Belgique. C'était avenue de la gare, on a essayé de réveiller Benoît Lutgen. Hein, voilà, on l'a réveillé mais il n'est pas sorti de sa maison. Voilà, c'est ça, il n'est pas sorti et ça c'est bien malheureux. Et nous avons qui pour la déclaration express? Enfin, nous aurions dû avoir qui? Alex. Mais malheureusement, il n'a pas les coronets. Non, il n'a pas souhaité passer à l'antenne. Oh, c'est dommage. Il avait appelé pour faire une déclaration express à sa copine ou copain, je ne sais pas. Donc on va l'appeler maintenant, le copain ou la copine, pour lui expliquer que... Nous appelons Maria. Ah, c'est Maria. 22 ans. Maria, 22 ans. Allez, c'est parti pour cette petite déclaration express. Comment s'appelait-il encore? Alex, 24 ans. Ah oui, c'est ça. Alex sans coronets. Allô? Oui. Oui, Maria? Oui. Bonjour Maria, ça va? Ça va et toi? Mais ça va bien. C'est qui je suis quand même? À mon avis, Fun Radio. Mais oui, effectivement. Ah, ouais. Alors, j'essaie de faire une petite vanne, ça n'a pas marché. Bon, Maria, bon, on t'appelait de la part d'Alex qui a pas eu les couilles, on peut le dire. Franchement, il y a un moment, hein, quand on écrit pour faire une déclaration express et qu'après on passe pas l'antenne parce qu'on a peur. Apparemment, il l'a quand même prévenu si elle sait que c'est nous qui appelons. Ouais, ou alors c'est une auditrice fidèle. Mais non, je vous écoute. Mais voilà, mais non, notre problème, c'est qu'on est victime de notre succès. Trop écouté. C'est ça, arrêtez d'écouter Fun, merde. On peut plus faire de vanne correctement maintenant, c'est quand même dommage. Bon, Maria, petite déclaration express d'Alex. C'est qui Alex pour toi? C'est un garçon que j'ai croisé à une soirée karaoké. Gros dossier. Et tu lui as pas donné le numéro de la ligne anti-relou? Je lui ai pas donné mon numéro. Ah d'accord, ok. Bah pourtant il l'a, hein, puisque on t'appelle donc. Numéro, on l'a eu quelque part, hein, ça c'est clair. Bon, c'est une copine qui lui a donné. Peut-être. Ça c'est le pire, c'est les copines qui donnent les numéros. C'est dégueulasse. Quoi qu'il en soit, il a demandé à Sébastien Loeb qui fait les déclarations express d'en faire une pour toi. Écoute, là c'est pour toi. Oh là là là là là là. micro, le son est dégueulasse là, je t'en supplie. Tu vas te faire défoncer quand tu vas arriver à la radio toi. Bon, ça c'est sûr. Ça fait bientôt 3 mois que je t'ai rencontré. C'était dans une boîte qui fait karaoké. Voilà petite déclaration express pour ce matin là sur Rasmus, en plus très très bon son ça, In the Shadow. Oui, enfin un bon son mais très très mauvais qualité. Non mais là c'est l'ob, je vais juste le défoncer quand il arrive, si tu m'écoutes, je suis certain que tu m'écoutes d'ailleurs, ça va être très très dur pour toi. Bon Maria, alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette petite déclaration express d'Alex? Je pense que je vais laisser faire le temps et je verrai déjà bien s'il vient me trouver ou pas. Ah, elle laisse une porte ouverte quand même. Donc la porte est ouverte. Car sinon, je te rappelle toujours qu'il y a cette possibilité-là. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Voilà, donc tu peux toujours éventuellement lui donner le numéro de la ligne anti-relou. Si on le retrouve sur la ligne anti-relou, c'est qu'il n'aura pas eu ses chances et c'est dommage. Bon bah écoute Maria, merci à toi d'être passée. T'es dans quelle ville au fait? Je suis de Namur. De Namur, très bien. 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur. Ah ben, je te fais des gros bisous, Maria, et passe une bonne journée. Bisous. À bientôt. Salut, salut. À bientôt. Et puis, restez bien là dans un instant. Justement, c'est la ligne anti-relou qui va débarquer. La ligne anti-relou avec aussi l'infotrafic, avec aussi l'appel à la RTBF, là, pour gueuler, parce que hier, ils ont mis un match où, en plus, la Belgique a perdu. Mais ouais, attends, on a raté plus belle la vie. Mais quoi. Ouais, quelle ils ont supprimé un match plus de merde, belle la vie. Attends, vous vous rendez pas compte. Un vrai scandale, quoi. Bon, allez, restez bien là. On revient dans un instant avec, comme promis, Avicii et Florida. Ce sera Levels. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, bon réveil tout le monde pour ceux qui se lèvent là actuellement, on sait jamais, hein, 9h moins quart là actuellement. Et nous allons faire un tour du côté des infos sur la route, que se passe-t-il? Accident sur le 19 Valenciennes-Mons en direction de Bruxelles à hauteur de Nimi, la bande de droite est localement fermée, la circulation est fortement ralentie, c'est à hauteur de la sortie 23. Alors pour le reste évidemment, vous ralentissez sur les grands axes pour rejoindre la capitale. Très bien, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, hein, les messages qu'on lit pendant les infotrafic ou même un peu partout d'ailleurs dans l'émission, 30-44, 50 centimes le message ou sur mikl@funradio.be. Allez, la ligne anti-relou, c'est parti. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Il y a un message qui vient d'arriver, je suis très perturbé. Quelqu'un qui envoie la bonne réponse à la devinette qui colle et qui dit c'est signé Mélissa, l'ex-stagiaire de Philippe qui bosse à la radio, qui dit pour une fois que j'ai la bonne réponse, donc ça peu importe. PS, Tof, je t'aime. Oh, enfin quelqu'un qui m'aime. Mais je me souviens de Mélissa, mais il me semblait qu'elle était... même plus futé. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer. Non mais je suis. Bah, comme quoi tu vois, hein, tout le monde peut se tromper. Hein. Ah tout le monde peut se tromper. Je pensais que c'était quelqu'un d'intelligent. Eh bien en fait, tu vois, mais si elle l'aime tof, c'est qu'elle a un problème. Ouais, c'est ça. Bon, la ligne anti-relou sur Fun Radio, c'est chaque matin, 7h, 8h et 9h moins quart. Et nous allons maintenant faire péter ces messages. La ligne anti-relou, c'est le 0-473-86-00-13. On écoute maintenant le premier message. Salut, tu m'as donné rendez-vous à la gare ce midi. Et je sais pas, ça fait 3 heures que je t'attends, 3 heures de désespoir parce que je ne te vois pas. Écoute, là, je suis vraiment désespérée. J'espère que c'est juste que tu avais oublié. J'espère que tu ne m'as pas fait faux bond. Voilà, je t'aime très, très fort. Voilà, ne me prends pas pour une grosse handicapée. Non, mais bah non. Tu sais, quand les sentiments sont là. C'est ça. C'est dur de les cacher. Donc ah, voilà. Oui. Je t'aime énormément. Bisous. Mouah. J'adore le mouah. Mais oui. Il y en a l'un ou l'autre qui va. Déjà que c'était pathétique. Alors le mouah à la fin, ça, c'était la totale. Allez, deuxième message. Deuxième message, j'ai dit. Tu peux bien y arriver. Si tu peux appuyer sur le bouton et utiliser tes mains de façon normale. C'est ce que je fais. Tu sais, tu peux te faire remplacer tes deux mains gauches par deux mains droites. Ça marche de nouveau plus. Tu retires tes moufles. Non. Voilà. Bonjour, c'est Yasmine. Je vais te dire que j'ai mangé une pizza. Ah oui. notre copine qui... Bonne nuit. Voilà. Bonne nuit. Notre copine qui nous laisse régulièrement des messages pour expliquer ce qu'elle a mangé la veille. Voilà, exactement. Ou le c'est soir intéressant. Même. C'est très intéressant. C'est très, très bien. Super. Mais c'est des fois qu'on n'aurait pas d'idée. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir et tout ben, hop, eh bien, c'est pizza pour ce soir. Voilà. Ouais, ce soir, c'est pizza. C'est cool. Allez, dernier message pour ce matin. J'y vais. C'est moi. Oui. Oui. C'est oui. moi. Oui. J'ai envie de passer des trucs cochons, quoi. Ouais, rappelle-moi. C'est moi, André, ton chéri. Oh, oui. Oui. Donc, ce genre de message qui, je le rappelle, excite fortement Julie. Hein. Ah oui, non, mais je ne me sens plus là. Je... Ah oui, oui, non, mais. Oh là là, retenez-moi. Ah, mais bien sûr, mais on va te retenir, t'inquiète pas. Hein, c'est juste. Voilà, on sait que t'es au taquet avec ce genre de. Ah, mais je crois que. Ce genre de choses et. Ils sont au taquet dès qu'elles entendent ce genre de message, mais je crois qu'il s'était adressé à un mec. Hein, si je comprends bien, au début, il dit bonjour JS. Hein. Ah, bon. Peut-être, ouais. Bah, je sais pas. Ah, après, moi, c'est importe, l'impression hein. que j'ai, mais de toute façon, ça, je suis sûre que même les mecs sont surexcités mais à entendre ce message. Mais bien sûr, mais évidemment, évidemment. Bon, bah, d'ailleurs, je vais aller dans mon bureau 5 minutes à, oui, à la fin, soulager. Bah, oui, bah, on a bien compris. Merci. 8h48 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle. Allez, encore une petite dernière fois là. C'est long, c'est dur, c'est poilu et ça rentre dans un orifice humain. Qu'est-ce que c'est ? Que suis-je ? Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, ce n'est pas un truc dégueulasse. La réponse n'est pas un truc dégueulasse, pervers ou même sexuel. Ni même sexuel. La bonne réponse au 63-22, c'est donc un écran plat qui est à gagner. Ou alors un pack Nintendo Wii avec la console, le jeu, les manettes. Les jeux même et les manettes. Voilà, comme ça vous savez tout. Et on va s'écouter le son d'Avicii maintenant avec Florida's Levels sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 8h49. Le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio avec Levels, Avicii et Florida. Il est 8h52 sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura David Guetta avec Saya aussi pour Titanium. Et on vous appellera encore une fois, une dernière fois pour ce matin en tout cas, pour tout simplement vous rembourser vos factures. 63-22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Ce sera dans un peu plus... Allez, on va dire dans un quart d'heure. Dans un gros quart d'heure, on vous appelle en direct sur Fun Radio. Bon, allez, on va appeler l'RTBF maintenant. On avait dit qu'on les appellerait tout à l'heure là parce que forcément, hier, ils nous ont... Pour les fans de Plus belle la vie, ils ont sucré un épisode de Plus belle la vie pour mettre un match de foot où la Belgique finalement a perdu. Aucun intérêt. Un match de foot tout pourri. Voilà, voilà. Donc vraiment aucun intérêt. Encore alors la première demi-heure. On voulait regarder Plus belle la vie. Bah voilà. Donc on appelle la RTBF pour gueuler. Bonjour. Vous êtes bien à la RTBF. Le central téléphonique est accessible tous les jours ouvrables durant les heures de bureau. Oui. Vous c'est pouvez néanmoins laisser un message sur un répondeur pour vous mettre en contact avec les services bon, il est 53. De permanence. Ah ouais, donc c'est fermé. L'heure, c'est l'heure. Hein. Pour la télévision, composez le 1. Bon, pour la radio, faites le 2. Pour l'information, compose 3. Le 1. Non, je ne peux pas, c'est toi qui dois composer le 1. Ah voilà. Si vous souhaitez entrer en contact avec la 1, faites le 1. Non, la 2. C'est la 2. Pour la 2, composez le 2. Voilà. Vous êtes sur la messagerie vocale des programmes TV de la 1 et de la 2. Vous pouvez émettre un commentaire sur nos programmes TV ou demander une info. Pour cela, veuillez nous laisser votre adresse courrier ou un numéro de téléphone pour que l'on puisse vous contacter. Parlez après le bip sonore. Ouais, allô, voilà, j'appelle parce que hier, vous avez mis du foot à la place de Plus belle la vie. Franchement, c'est dégueulasse parce que c'était un match pourri, c'était de la merde. Et moi, j'aurais préféré regarder Plus belle la vie. Voilà, merci, bonne journée. Voilà. Une seconde. Voilà. Voilà. Ah bah comme ça, au moins c'est fini. Voilà. Voilà, ça y est, on les rappellera un peu plus tard. Bah, on rappellera après 9h. Hein, après 9h, il faut attendre 9h. Ah, bah, les heures de bureau, bah, attends, c'est normal, les heures de bureau, c'est les heures de bureau. Ouais, bah, enfin, c'est bon. Bah, pas chipoter non plus. Ce sont les heures de bureau. Bon, ouais. Allez, on va s'écouter le son d'Adèle maintenant avec Set Fire to the Rain sur Fun Radio. On essaiera de les rappeler un petit peu plus tard et on aura aussi la réponse à la devinette qui colle dans un instant. C'est long, c'est dur, c'est poilu et ça rentre dans un orifice humain. Qu'est-ce que c'est ? Qui suis-je ou que suis-je ? Ce n'est pas un coton-tige car ça peut être électrique. Bonne chance tout le monde. 8h55, Adèle, je vous l'avais promis dans Mickaël à la radio. Set Fire to the Rain et l'info avec Julie juste après. Allez. Dans un instant sur Fun Radio, restez bien là, c'est David Guetta qui arrive avec Titanium. David Guetta et Saya avec Titanium sur Fun Radio et nous allons maintenant donner la réponse à la devinette qui colle. On l'a là tout de suite ou dans 5 minutes ? On l'a là tout de suite. Ah bah c'est parti, devinette qui colle, vous avez été nombreux à vous inscrire et tant mieux. Un écran plein ou alors tout simplement, eh bien, le pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. C'est parti, qui est avec nous maintenant? Nous avons Fred de 28 ans de manage. Salut Fred, 28 ans de manage, comment ça va Fred? Bonjour, ça va et vous-même? Bah écoute, on va plutôt bien aussi, hein. Ça va, tranquille. Pépère quoi, tranquille. Tu fais quoi dans la vie Fred? Je suis assistant gérant d'un magasin de bricolage. D'accord, très bien. Tu as la réponse à la devinette qui colle, je la répète pour ceux qui débarquent, on sait jamais. Alors... C'est long, dur, poilu et ça rentre dans un orifice humain. Qui suis-je ou que suis-je? Une brosse à dents. Ah bah une brosse à dents, en toute simplicité, effectivement. Bah bravo à toi, Fred. Tu repars avec les cadeaux. Donc c'est l'écran plat ou la console. Tu gères ça avec Toff au standard, d'accord? Ok, merci. Passe une bonne journée à toi aussi. À bientôt. Merci, merci, au revoir. Salut, salut, ciao. Bon, voilà une bonne chose de fait. Tiens, si vous aussi vous voulez jouer avec nous, eh ben, rencard demain, évidemment, à partir de 6h. Et puis, rassurez-vous, on est là jusqu'à 9h30. On parlera encore de Secret Story. Il y aura encore l'horoscope de Doudou. Et puis, on va payer vos factures dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors, je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas te sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpikaï, pauvre con. 9h sur Fun Radio, on passe à l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, pas de miracle pour les Diables Rouges à Düsseldorf hier en Allemagne. Ils se sont inclinés 3-1 face aux Allemands, ils n'iront donc pas en barrage de l'Euro 2012. Pourtant, ils avaient dominé le match les 30 premières minutes, mais les Allemands ont repris la main. Le Nord est sauvé quand même avec un but de Fellaini à la 85e minute. Après avoir présenté la réforme de l'État hier, Elio Di Rupo se remet déjà au boulot. Il faut maintenant s'attaquer aux socio-économiques et à la formation d'un gouvernement. Avec ou sans les écolos, pour Elio Di Rupo, il est trop tôt pour répondre à la question. En tout cas, le CDNV ne veut pas aller au gouvernement sans l'OpenVLD et reprocherait aux Verts d'avoir été présent dans les médias mais très discret à la table des négociations. Elio Di Rupo rencontrera les présidents de partis en tête-à-tête aujourd'hui et demain. Préavis de grève déposé dans toutes les prisons du pays, conditions dangereuses, pénurie de personnel, équipement vétuste, c'en est trop pour les syndicats. Un autre préavis est également possible le 22 octobre et ras-le-bol aussi du côté de la police. Le syndicat libéral a remis un préavis de grève nationale. Les agents en ont marre d'aller boucher les trous dès qu'une prison du pays débraye. Monseigneur Léonard ne veut pas de directeur d'école divorcé. Dans le numéro d'octobre de Pastoralia, la revue du diocèse de Malines-Bruxelles, Monseigneur Léonard estime que les divorcés doivent éviter les tâches qui les placent dans une position délicate ou difficile. Concrètement, le primat de Belgique leur déconseille d'enseigner la religion ou d'exercer une fonction de direction dans l'enseignement catholique. Le président du collège des directeurs de l'enseignement fondamental catholique s'indigne. Les associations de parents lèvent aussi le bouclier. Le motilium cause-t-il des arrêts cardiaques? En tout cas, c'est ce qu'affirme un pharmacologue ostendais dans le magazine Knack aujourd'hui. Le médicament provoquerait selon lui, chaque année en Belgique, des centaines de décès liés à des arrêts cardiaques soudains. Intox, d'après Janssen Pharmaceutica, la société à l'origine du médicament, qui indique qu'aucun décès n'a été lié au motilium sur les 10 dernières années. Les jeunes Belges possèdent de plus en plus souvent un GSM. Deux tiers des enfants de 10 ans possèdent un téléphone portable. C'est ce qui ressort d'une étude du CRIOC menée auprès de quelques 3000 jeunes de 10 à 17 ans. De manière générale, 91% des jeunes possèdent un GSM, soit 5% de plus qu'en 2009. Un jeune sur 5 possède par ailleurs un smartphone. Et l'étude démontre également qu'envoyer des SMS reste l'application la plus populaire. Les jeunes envoient en effet en moyenne 88 messages par semaine. Dans un instant, restez bien là, puisqu'il y aura le son de David Guetta avec Saya, ce sera Titanium sur Fun Radio. Mais avant ça, c'est la météo. Oh bah si vous avez déjà ouvert les yeux et regardé par la fenêtre, vous l'avez vu, hein, c'est un temps gris, de couvert. Merde. De la pluie aussi sur le nord du pays, température de 12 à 18 degrés. Allez, j'ai quand même une bonne nouvelle pour la journée. Demain, c'est le retour du soleil. Demain après-midi, un anticyclone s'installera sur la Belgique jusqu'à dimanche. C'est déjà ça de prix. Bon, 9h03 sur Fun Radio, restez bien là. Dans un instant, on vous rembourse vos factures. 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture si vous voulez qu'on vous rembourse, comme par exemple des messages qui sont arrivés ce matin là. 149€ pour une télé, c'est Fabien qui avait demandé son remboursement. 84€ pour l'école. 81,41€ pour télé et internet. Qu'est-ce qu'il y a aussi? 129€ pour Ospimut. 90€ pour Mobistar. Bref, 6322 pour les inscriptions. Débutez votre votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle dans 5 minutes. Fun Radio. Fun Radio. Mais la question, c'est quelle est l'info en plus ? Eh bien, l'info en plus, c'est voilà, où tu vas voir un film au cinéma et t'es un peu déçu. T'as vu une bande-annonce qui t'a donné envie d'aller le voir, tu vas voir le film au ciné et puis tu te rends compte que c'est que de la merde. Parce que ou alors la bande-annonce est trompeuse, ou alors tout ce qu'il y a de bien est dans la bande-annonce. Donc après, aller voir le film, ça ne sert à rien. C'est ça. Eh bien, en tout cas, on sait qu'aux États-Unis, c'est souvent, ils font des procès un peu pour tout et n'importe quoi. Ah, le procès est facile. Hein. Ah, le procès est assez facile. Et d'ailleurs, gagner un procès et se faire de l'argent est assez facile. Donc, on peut les comprendre. Eh bien, il y a une spectatrice, Sarah Deming, qui a décidé de porter plainte contre le distributeur du film Drive. Elle a été voir donc le film Drive et elle s'est sentie trompée par la bande-annonce du film. Donc, elle a vu la bande-annonce et d'après elle, la bande-annonce faisait croire à un film similaire à Fast and Furious. Tu vois, un film d'action, de poursuite ou de course. Et quand elle était voir Drive, et ben elle s'est rendue compte que c'était pas du tout, enfin d'après elle en tout cas, c'était pas du tout ça. Et donc elle s'est sentie trompée et elle s'est dit, je vais pas me laisser faire, je vais attaquer le distributeur du film et je veux me faire rembourser ma place du cinéma. Pas mal. C'était ça où elle cassait la gueule à la meuf qui lui avait vendu le ticket, donc bon. Ouais, ouais, c'est ça aussi, ouais. Ouais, ouais, c'était ça aussi. Donc elle a choisi la voie un peu pacifique et c'est pas possible. C'est clair, c'est clair. Bon, bah pourquoi pas, après s'il y arrive, tant mieux. Hein. Ah, bah bon. Écoute, hein, si dans un possible. Instant, le remboursement des factures, 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et à 9h05. Oh mon dieu, voilà, j'ai eu très très peur. Hein. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai zappé de chaîne et je suis tombé sur une chaîne avec une. Ah, c'est l'astro, quelle horreur. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est à la télé là, par hasard. Je sais pas sur quelle chaîne c'est, mais c'est très dur. Hein. Je préfère Doudou encore. Ah oui, non, mais Doudou. Doudou n'est pas facile à regarder au prix, mais quand enfin, même. Je préfère il est quand même sympa, Doudou. Quoi. Bon, on vous rembourse les factures dans un instant. Et David Guetta, qu'on écoute tout de suite avec Sia. C'est Titanium sur Fun Radio. Bonne matinée. David Guetta sur Fun Radio avec Sia. C'était Titanium. Allez, c'est parti. On paye les factures maintenant. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, c'est comme ça, tous les matins sur Fun Radio, on vous rembourse vos factures. 7h10, 8h10 et 9h10, c'est l'heure précise où on vous appelle pour vous rembourser vos factures. Vous êtes nombreux à vous inscrire au 6322 et tant mieux. Avec le code facture en mettant le montant et l'objet de la facture. Et ben c'est parti, on vous appelle maintenant en direct. Si vous répondez correctement à la question qu'on vous pose, c'est gagné. Voilà, allez hop, c'est parti. Bon, hop là, j'ai oublié de décrocher moi, viens. C'est parti. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin ? Fun Radio. Mais oui, c'est Fun Radio. Allez hop là ! Troisième facture remboursée ce matin, ça fait plaisir. Eh ben voilà, ouais. Bonne chose là, tiens. On va rembourser combien d'ailleurs, Tof, là ? Je t'ai pas demandé en fait. 45 euros. 45 euros, ouais. C'était pour payer quoi ? Des puzzles. Des puzzles. Des puzzles mais... à 45 euros. Et pourquoi ? C'est cher le puzzle. Trois, hein. Ah, trois puzzles. Enfin, oh, bah, quand même, bah, moi, j'irais pas dépenser 45 euros pour des puzzles. Mais c'est toi qui joues chacun, au puzzle. Chacun son délire. Ah oui, oui, chacun voilà. Son kiff. C'est toi qui fais des puzzles. Bah, ça fait des beaux tableaux. Ah, tu en fais des tableaux. Et oui, d'accord. Avec un cheval. Et après, tu mets ça dans un cadre. Comme c'est beau. C'est ah oui, non, mais il n'y a pas de mal. Hein. Chacun son délire. Comme mais bien sûr, il y a même des gens qui regardent la chaîne et qui disent, tu vois, et que du cheval toute la journée. C'est oui. Vachement sympa. Bon, comment tu t'appelles au fait ? Je t'ai pas demandé, excuse-moi. Sabine. Sabine, ben Sabine, on va te rembourser tes 40. Combien j'ai oublié ? 45 euros, voilà. Enfin, 43 euros. Bref, quelque part par là. On va te rembourser ça, il n'y a pas de problème. On va t'expliquer aux antennes comment ça fonctionne. Et puis, je te fais des gros bisous, Sabine. Merci. Je t'en prie, à bientôt. Mission, eh ben voilà une bonne chose, tiens. Hop là, c'est parti. Troisième facture remboursée de la journée. Comme quoi, ça fonctionne. Si vous voulez tenter votre chance également, 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Dans un instant, c'est l'horoscope avec notre ami Doudou. Et on va s'écouter aussi le son de Mutton Heads avec Eden Martin. C'est maintenant avec Trust You Again. Avec Trust You Again. Nickel voilà. À la radio. Nickel à la radio. Salut, c'est Mutton Heads sur Fun Radio. Tous les matins, je n'écoute jamais Mickaël à la radio. Nickel. Fun. À la radio. C'était Mutton Heads à l'instant sur Fun Radio avec Trust You Again. 9h15 sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Dans un instant, c'est Quentin Mossiman aussi qui va débarquer avec Do You Saint-Tropez. Et nous allons maintenant donc faire l'horoscope comme chaque matin. Dernier horoscope de ce matin justement avec Doudou qui est avec nous. Tiens Doudou, vous savez que vous aussi vous allez devoir participer pour Dexia là. Hein. Oh oui, mais c'est pas grave. Ah, vous avez plein d'argent Doudou. Ouais. Ça vous dérange pas de devoir donner 370 euros à l'État pour acheter une banque ? Oh, l'argent, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on a au fond du cœur, c'est tout. Hein. Ah, maintenant, je comprends pourquoi vous avez jamais un rond de doux alors. Hein. Bah, comme ça, je n'attire pas les filles pour mon argent. Hein. C'est vrai. Mais ah, pour mon anaconda. Ouais, c'est ça, oui. Bon, allez, doudou, les béliers. Ne soyez pas arrogants et réfléchissez. Qui vous prend au sérieux? Les taureaux. Même si elles vous paraissent non productives, faites des pauses. Les gémeaux. Vous êtes gai comme un pinson et cette phase va encore durer un peu. Les cancers. Le stress au travail pourrait vous surpasser. Les lions. Aujourd'hui, vous allez profiter de votre effet positif sur le sexe opposé. Les vierges. Vous êtes actuellement sujet au rhume, alors prévenez cela avec de la vitamine C. Les balances. C'est avec patience et goût du risque que vous allez déjouer habilement la concurrence. Les scorpions. Ça ne sert à rien de se surmener, veillez à boire et à dormir suffisamment. Les sagittaires. Vous croyez que le monde s'est lié contre vous? Eh bien, vous n'avez pas tort. Les capricornes. Aujourd'hui, vous êtes imbattable et une bonne idée pour vous faire aller de l'avant. Les verseaux. Il faut faire des efforts pour avoir du succès, hein? Vous avez cru que tout irait de soi? Bah mais oui, non. Peut-être. Et soyez plus ambitieux. Bon, bah les poissons alors. Après tous ces efforts, vous recevez enfin ce que vous avez mérité. Oh, c'est beau. Merci Doudou. Malu, hein. On vous retrouve tout à l'heure. Oh, on vous retrouve demain, pardon. Ah oui, oui, oui. Tout à l'heure, non, c'est fini. Y a pas de problème. Passez une bonne journée. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et on écoute Quentin Mossiman maintenant sur Fun Radio. C'est Do You Saint-Tropez sur Fun. Bonne matinée, il est 9h17. Quentin Mossiman sur Fun Radio avec Do You Saint-Tropez. 9h20 sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Avec tous vos messages qui arrivent au 3044 et au 6322 par SMS, c'est 1€ le message. Et aussi également sur les mails, hein, mikl@funradio.be. Nous allons maintenant parler. Et oui, il faut pouvoir en parler car ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé justement. Mais comme la fin approche, on va se faire un petit point maintenant sur. Et sur Secret Story, évidemment. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Vendredi, c'est la grande finale entre Aurélie, Marie, Geoffrey et Géco. Et Aurélie qui est quand même la Belge. Hein. Il faut la soutenir. C'est vrai qu'elle est là jusqu'au bout quand même. Hein. Il faut le dire, effectivement. Et donc, du coup, bah, c'est Marie hein, qui est favorite. Alors, dites-nous pour qui vous allez voter hein, ou pour qui vous compteriez voter. Vous voteriez pour qui, Julie? Bah, la Belge, la soutient jusqu'au bout. La Belge, juste parce qu'elle est Belge. Bah oui, bah, elle a foutu l'ambiance. Hein. Elle n'hésite pas à crier. Hein. C'est ça, parce que sinon c'est Géco qui est quand même bon. Pas normal. Voilà. Ouais. Sinon après on a Ken et Barbie donc ouais donc ils sont pas non plus très très normaux. Au final il reste que Aurélie quoi. C'est ouais. Ça. Bon en tout cas on sent que c'est vraiment la fin de l'émission hein, les comme candidats. Ça, on pourra la recevoir, elle pourra peut-être nous donner quelques milliers d'euros sur les 150. Ouais, ça c'est pas sûr hein. Ça, ce serait donc, bien. Donc comme je dis on sent que c'est la fin puisque les candidats sont vraiment à bout hein, la preuve quand Géco apprend que IM la peste revient. Bien qu'elle arrive. Pa! Elle va remettre. Je sais pas comment elle va. Est-ce qu'elle va arriver en éliminateur en mode dra, missile de partout et tue tout le monde? Ou est-ce qu'elle va arriver en mode. Oh mon jeune frère! Complètement la ramasse, hein. Il est pas normal. Ouais, non, il est vraiment temps que ça se finisse. Mais sérieux, ce qui est dingue. Finir cinglé. Hein. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais ce qui est dingue, c'est que le public l'a soutenu depuis le début. Je crois que le mec, il s'est retrouvé 8 ou 9 fois dans le sas, quoi. Ah ouais. Chaque fois, les gens l'ont sauvé. Mais donc, oui, tu es beau, tu es grand, tu es fort. Ah non, bah, ça rigole. Me fait peur, hein. Les gens qui votent. Et le pire, c'est que c'est justement, c'est pas le pire. Hein. J'ai pas 160 de QI, là, j'ai 400 000 de QI, là. J'ai tous mes neurones qui sont connectés. J'ai la peau. Il faudrait essayer de me tirer dessus pour voir si les balles rebondissent sur mon corps. Mais là, c'est. Alors le problème évidemment c'est si quelqu'un a le rapport entre le QI, la peau tendue et les balles, bah venez m'expliquer parce que non. Tu peux pas comprendre, tu ouais, consommes pas assez de stupéfiants. Ça doit être ça. Ça doit être ça le problème. Bon, on va revenir sur IM alors parce que quand je vous dis que c'est la peste, je suis quand même relativement gentil. Alors pour ceux qui auraient raté ça, IM est revenu dans la maison et tout de suite elle a voulu mettre à l'aise le couple Marie et Geoffrey, très sympa quoi. On va être mal à l'aise pour rien. Ah donc ça veut dire que ce qui s'est passé entre nous c'est rien. Non. Donc t'assumes pas ta relation avec moi en fait. Si. Quelle relation ça? Quelle relation? Comment ça quelle relation? Mais attendez, mais vous avez de la, excusez-moi, vous avez de la merde devant les yeux ou quoi? Il peut pas le nier, c'est pas possible. Si elle le nie, c'est que c'est un menteur. Ah, la meuf, bien relou, hein. Ah ben la meuf non, la meuf elle bien, est juste rageuse. Attends, elle est là, elle est revenue, elle vient pour foutre de la merde et puis bon. C'était son rôle un peu. Ouais, hein. ouais, c'est vrai, mais bon. En même temps, tu sais, Geoffrey et Marie, ils ont une relation qui est quand même un peu particulière. C'est pas faux effectivement, ouais. Donc écoutez Marie et Geoffrey justement qui partagent leur amour. Ouvrir les yeux, c'est un moment donné, voilà. Reste avec moi. Mais pourquoi faire pour passer notre soirée à pleurer? Marie, il faut que tu comprennes aussi qu'ici t'as pas d'amis, y a pas d'amis, y a personne qui t'aime, tu comprends ça? Voilà, vous avez bien senti l'amour entre les deux là, hein? Ah oui, on a bien senti. Hein. Voilà, bien senti, bah tant mieux. Vivement que ça s'arrête et qu'on sache enfin le gagnant vendredi. Hein. Je te confirme. Et en parlant de ça, on a mis une photo sur le blog, là. Allez voir, on dirait que la prod a déjà choisi le gagnant. En fait, sur la photo, on voit le fameux chèque de 150 000 euros déjà fait au nom de Géco. Ah bah écoute, au moins c'est clair, ils prennent un peu d'avance. C'est bizarre, hein. Ça quand même. Bizarre quand même, hein. Voilà, bon, allez voir sur mikael.fm si vous le souhaitez, ou sur Facebook, facebook.com/mikael officiel. 9h23 sur Fun Radio. Dans un instant, on appellera quelqu'un pour lui offrir les places pour la Smart Cup. Et en attendant, on s'écoute le son de Ina maintenant avec Un Momento sur Fun. Bonne matinée, il est 9h23. Voilà le son d'Ina à l'instant avec Un Momento sur Fun Radio, 9h26, bon réveil tout le monde. Bah, j'espère que vous êtes déjà bien debout là justement. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 et nous allons prendre maintenant Sarah qui est avec nous. Sarah pour les places pour la Smart Cup. Oula, ça hurle. Salut Sarah. Oui, allô, bonjour. Oui, on t'entend mal Sarah, mais ça va mieux là. Sarah, comment vas-tu? Tu as 37 ans, tu appelles d'où? J'appelle De Peine. De Peine, d'accord, très bien. Et tu nous appelais pour la Smart Cup. Oui, exactement. Eh ben écoute, c'est pas compliqué. Tu t'es inscrit tout à l'heure au 63-22 en débutant par Smart Cup. Eh ben tu repars avec tes deux places. Tu vas le jour où tu veux à la Smart Cup, c'est-à-dire vendredi ou samedi, peu importe. Hein. Tu vas avec la personne de ton choix. Oh, ben, j'irai avec ma fille, c'est trop génial. Eh ben, y a pas de soucis, c'est à Spa-Francorchamps que ça va se passer. On se dit, tant qu'à faire, autant prendre un des plus beaux circuits, hein, comme ça, oui, moi, on est tranquille. Bah oui, mais c'est ça. Bon, eh ben voilà, bravo à toi, c'est gagné. Gros bisous. Salut Sarah. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bonne journée à toi aussi, salut. Bon, ben voilà, une bonne chose de fait, tiens. Hop là, tout est plié, on a tout offert ce matin, là. Trois écrans plats sont partis, on a fait péter trois factures, elles sont toutes trois parties. Hein. Donc, on est bon là, hein. On est au taquet. Là on est bien, là on est bien. On a fait chier du monde, ça c'est bien aussi, c'est fait. Ok. Alors, très bien. Le devinette qui colle aussi. D'ailleurs, si vous avez des devinettes qui collent un peu sympa, n'hésitez pas à nous les envoyer hein, si vous le souhaitez à mikael@funradio.be ou sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Voilà, je compte sur vous bien sûr. Bon, la bonne journée pour Toff. Mais écoute, elle va être très bonne. Bah tant mieux. Bonne journée pour Julie également. Bonne journée Mickaël. Très bien, puis bonne journée à vous également. On se retrouve demain, nous, en direct à partir de 6h du mat comme d'habitude. Dans un instant, c'est Lucas qui débarque avec le self pour choisir les disques et faire la programmation avec lui. C'est au 3044 que ça se passe. Débutez le message par self tout simplement. Avec la proposition que vous voulez lui faire. Ou alors sur lucas@funradio.be. Jasmine à 13h avec Pure Dance Floor. Et puis bien sûr toute la tribu des vannes qui sera de retour à 17h. Sans oublier la libre antenne avec Nabil, Labbé et Vince bien sûr. À partir de 20h. Passez une excellente journée. À demain tout le monde. Ciao et bon mercredi. Il vous manque déjà? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.